C'est ça. Exactement. Ok. Alors, toc, toc, toc. Je vous partage aussi le Watch Together. Je ne sais pas si vous l'avez. Alors, de nom. Nope. Je veux bien. C'est vendredi, là. C'est bien. Hein. Ouais. Il était plus que temps. C'était vraiment plus que temps. Alors, je mets ça sur la petite app, groupe Toulouse sur le Discord. Je règle le son et moi. Ben là, ah, la BO de Charlotte. Ah, il y a 2-3 chansons, il y a 2-3 trucs. Enfin, j'ai essayé de parer 2-3 choses suivant les lieux. On verra quand on y sera. Ok. Faire un gros résumé, peut-être. Ouais, alors, en fait, on va peut-être faire un résumé des épisodes précédents. On va faire ça peut-être hors enregistrement. Ou alors, on commence par le formule de bienvenue. Où tu comptes, présentation des joueurs. Et puis, on fait un résumé comme on peut. Ouais, bah, comme tu le sens, je sais pas. Ouais, comme ça. Est-ce que tu veux un résumé? Enfin, ça dépend aussi. Comment on fait, en fait, vu qu'on connaît pas ton personnage et tout, je sais pas. En plus, c'est que moi qui vais te rentrer. Moi, ce que je vous proposerais, c'est qu'on va juste... On fait une présentation. Riley commence à faire un résumé de la partie précédente, donc le premier épisode de Londres. Oh, merde. Attends. Et ensuite, on te fera la présentation. Enfin, j'espère que vos personnages vont se rencontrer et que le personnage donc, de Riley, Elsa, pourra faire la présentation à ton personnage. De toute façon, je vais vous lancer directement, plus ou moins, ensemble, pour gagner du temps et puis pour pas s'emmerder non plus. Tu avais disparu la dernière fois. Moi, j'avais disparu. D'accord. Mais t'étais pas, on avait rendez-vous et t'étais pas pointé. C'est ça. C'est-à-dire que tu es donc le contact de la société de l'exploration de l'inexpliqué, mm-hmm. et tu avais donc reçu un petit message comme quoi d'autres... pas agents, mais d'autres membres de la société venaient à Londres et avaient peut-être besoin de tes contacts, de tes ressources, et au moins de toi pour visiter la ville, etc., etc., pour leur indiquer les bons plans. Sauf qu'une fois arrivés là-bas, ils ne t'ont pas trouvé. C'est ça. Donc, ils se sont retrouvés le bac d'Ala. Donc, Riley, est-ce que ça te va comme façon de faire? Oui, ok. Sachant que juste, toi, tu étais parti au scoop. Oui, et les autres au musée. Pendant que les autres étaient au pub en attendant le musée ouvre. Ah oui, ils sont pas allés au musée finalement? Ils sont pas allés, non, parce qu'on a terminé sur le scoop, je crois bien. Je sais plus, ok. Bravo. Bah non, mais c'était il y a trop longtemps. Ah bah, oh, pas faute d'avoir proposé des dates. C'est au maître du jeu de faire le résumé, pardon. Genre. Moi, je fais dans moi, quand je suis maître du jeu, c'est moi qui fais les résumés. C'est vrai? Oui, parce que sinon, les joueurs, ils sont comme moi, ils se souviennent pas. Tu vois. Ouais, mais je me mets à leur place. J'aurais dû trier mes joueurs. Si, je me souviens du scoop, des archives, des articles qu'on voit là, mais après, dans les faits, je sais plus, on est juste à l'hôtel. On a attendu Doc, enfin ton perso, et puis c'est tout. Hein. C'est à peu près ça, ouais. Vous aviez quand même récupéré plein d'informations, et notamment vous aviez commencé à lire les bouquins. Ah oui, c'est vrai. Donc dans les bouquins, il y a eu plein d'informations, vous avez commencé à tiquer sur certains trucs, etc., etc. Notamment sur des choses, a priori, des choses qui se passent, et qui vous ont mis aussi sur la piste d'un certain lieutenant Barrington. Mais bon, on va lancer ça. Okay. Donc, formule de bienvenue. Je vous donne la main en disant je suis avec Riley, je suis avec un guest, Doc de la table de rencontre. Voilà. Et je vous laisse présenter vite faire les personnages en deux, trois phrases. Et ensuite, Riley et moi, on va faire le résumé de la partie précédente. Et on va se lancer ensuite dans le jeu. Ok, parfait. Allez, on est parti. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la campagne des masques de Nyarlathotep sur la JDR Academy. Ce soir, je suis avec Riley. Salut. Riley, tu joues donc Elsa Kastner. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce personnage? Elsa Kastner, une journaliste à scandale de 25 ans, qui est une fille à papa, puisque son père est un... Il possède le journal dans lequel il travaille, tout simplement. Et donc, il est plutôt riche et elle en profite bien. Et donc, sur son temps libre, voire tout son temps, elle travaille également, elle collabore avec la Société pour l'exploration de l'inexpliqué, pour retrouver des trucs étranges, en gros. Fait. Et donc, du coup, je suis aussi avec un guest qui nous rejoint, Doc de la chaîne La Table des Rencontres. Et bonsoir. Alors, salut. Doc, tu joues Charlie Bradbury. Exactement. Peut-être peux-tu présenter ce personnage à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Charlie Bradbury, c'est un jeune homme, un jeune étudiant en archéologie, de mère iroquoise et de père anglais, qui a été envoyé en Angleterre pour, poursuivre ses études, entre autres choses. Et toi aussi, du coup, tu fais partie de la Société pour l'exploration de l'inexpliqué. Exactement. Et il se trouve que tu es ce contact anglais que nos charmants aventuriers, la dernière fois, attendaient au port, oui. Enfin, attendaient à leur arrivée à Londres, mais qu'ils n'ont jamais vu. D'ailleurs, ça nous permet d'enchaîner. Riley, on va essayer de rappeler un peu à nos auditeurs ce qui s'est passé la dernière fois. Oui, ben, nous sommes partis sur les traces de l'expédition Carlyle pour Londres. Et arrivé à Londres, donc, ben, on a attendu notre contact qui n'est jamais venu. On s'est un tout petit peu inquiété. Et ben finalement, on est parti à l'hôtel. On a pris le plus bel hôtel de tout Londres, je crois. Vous êtes Savoy, effectivement, et vous avez réussi, par un coup de chance monstrueux et un énorme jet de dés, à réserver la grande suite et à virer les gens qui les avaient déjà réservés. Et en plus, oui. Sur ce, moi, j'avais un contact dans un journal un peu équivalent au mien. Le mec s'appelait Mikey Mahoney, journaliste à Londres, au Scoop. Donc, je suis allé le voir. Enfin, j'ai décidé d'y aller pendant que les autres attendaient l'ouverture du musée, je ne sais plus quel musée. En fait, c'est le musée de la Fondation Penhew, puisque notre piste qu'on avait. Oui. Ouais, voilà. Vous aviez déjà plusieurs pistes, notamment la Fondation Penhew, où s'était rendue l'expédition Carlyle en partant de New York pour rejoindre un certain Sir Aubrey Penhew. Ils sont restés sur place pendant une petite semaine avant de repartir. Donc ça, c'était une de vos pistes. Et puis, vous aviez eu quelques informations sur Londres, notamment parce que votre ami assassiné, Elias Jackson, du coup, avait commencé à écrire des choses particulièrement étranges à Londres et que c'était la destination précédente avant son arrivée à New York où il s'est fait assassiner, du coup. Et une fois arrivé à Londres, vous aviez commencé, vous aussi, à fouiller et puis vous avez commencé à profiter, en fait, du voyage pour lire quelques ouvrages que vous aviez retrouvés. Donc, plusieurs personnes avaient lu des ouvrages, avaient commencé à trouver des trucs un peu étranges, et vous aviez entendu parler d'un certain culte un peu égyptien, n'est-ce pas, Riley ? Ah bah, il s'est mis en mute. Ah bah ouais, ah là, là, ce refus de résumer flagrant, quoi. Ah là là, ah, ça sent le réflexe. Il veut vraiment pas, quoi. Ah ouais, non, là, un problème technique. Problème technique. Oui. C'est le nom de ton chat. Presque. Et donc, je disais que vous aviez profité du voyage pour lire quelques ouvrages que vous dans les bibliothèques d'Erika Carlyle, d'autres ouvrages que vous aviez trouvés aussi à Arkham, quand vous aviez fait un saut pour voir le professeur Colt. Et vous aviez commencé à trouver des petites choses sur une sorte de secte égyptienne. Notamment du pharaon noir. Tout à fait. Et leur espèce d'armes et de sacrifices rituels, gourdin avec une pointe, et ils avaient l'air de fracasser tous les membres de leur sacrifié avant de leur rentrer la pointe dans le cœur. Ça vous aviez un peu la puce à l'oreille, puisque au soupe, pareil, vous aviez commencé à fouiller un petit peu. J'ai fouillé, hein, les autres, ils étaient au pub, justement. Tout à fait. C'est moi qui ai fait tout le travail d'archives. Fouiller les archives pour retrouver cette histoire de meurtre. Enfin, il y avait plusieurs trucs. Il y avait le peintre qui peint des trucs étranges et les meurtres. Il y avait le peintre, il y avait les meurtres. Alors, il y avait les meurtres que la presse a nommés les meurtres égyptiens, puisqu'elles concernent pas mal de villes égyptiennes. Et vous aviez aussi des massacres. Ah oui, plus au nord. Ouais, plus au nord du pays. Ah oui, c'est ça. Ouais. Au moment des hurlements de bêtes s'élève à l'approche de la pleine lune. Les sœurs Aidel, ok. Ouais. Du coup, vous aviez. C'est pas à Londres. Non, c'est pas à Londres. C'est un peu plus loin. Les choses qui sont à Londres, effectivement, c'est l'histoire, l'article sur le peintre et puis aussi l'article sur les différents meurtres qui ont l'air d'être là depuis. D'être perpétués depuis plusieurs années. Suite à ça, donc, Mikey Mahoney, ton contact, t'avait donné le nom du lieutenant Barrington qui s'occupe de cette enquête, de cette enquête de meurtre. Mm-hmm. Et je vais juste me permettre un changement de caméra pour revenir sur tes compagnons qui sont restés au pub en attendant l'ouverture du musée. Et donc, la caméra arrive dans le pub où on voit Percival et on voit Ralph qui sont en train de boire une bière bien méritée en attendant l'heure à laquelle le musée de la Fondation Penhew ouvre. Quand plusieurs hommes en complet gris et en chapeau melon arrivent dans le pub et demande à tes deux compagnons de les suivre après leur avoir présenté un petit porte-carte avec sans doute une insigne officielle de quelque chose, puisque tu vois que tes deux compagnons les suivent sans hésiter. Enfin, tu ne vois pas, mais vous voyez à travers la caméra narrative que vos deux compagnons les suivent sans hésiter et sont donc pour le moment... Okay. Ils ont bien fait de pas venir. Okay. Donc, alors que tu es au Scoop, une personne se présente au Scoop. C'est toi, Charlie, qui, après avoir raté le rendez-vous avec tes compagnons, pour raison X ou Y, peut-être la date de leur arrivée n'était pas claire non plus, mais en tout cas, tu t'es renseigné et tu as appris auprès de l'hôtel Savoy et en demandant un petit peu aux gens qu'une des personnes que tu recherchais, Elsa Kastner, se trouvait actuellement au Scoop et donc a pu te présenter dans les locaux du Scoop. Très bien, je rentre un petit peu essoufflé, un peu penaud d'avoir raté, un peu gêné quoi, d'avoir raté ce rendez-vous. Je regarde autour de moi pour voir si j'arrive à repérer une femme qui correspond à cette description qu'on m'aurait donnée. Et puis je me dirige du coup vers Elsa. Mademoiselle Kessner ? Oui, j'ai les bras chargés de documents, d'archives. Et du coup, je te tends la main, un peu gêné, sans vraiment me rendre compte de ce que je fais. Je fais enchanté, Charlie Bradbury. Oui, bah, je galère à te serrer la main du coup. Bradbury, et c'est pas vous qu'on devait voir hier ? Si, je suis navéré. Vraiment désolé d'avoir raté notre. Le SEI, oui. Ah, bah, d'accord. Mais vos têtes me disent quelque chose. On s'est pas déjà vu. Je ne crois pas. Peut-être. J'ai une mémoire photographique, donc je me souviens. Non, c'est sûr qu'on s'est déjà vu en fait. Peut-être. Je ne saurais pas dire. Du coup, cette tête, elle ressemble à quoi exactement du coup ? La tête de Charlie ? Ouais, ou Charlie en entier. Hein. On peut tout prendre, il n'a pas de corps, il n'a que sa tête. il a, comme je disais, il a la vingtaine, une petite vingtaine. Il est assez robuste, mais assez pâteau dans ses gestes. Tu vois qu'il est très intimidé par toi, Elsa. Il est amérindien. En tout cas, il est métis. Il a ses traits amérindiens qu'il essaie un peu de cacher. Parce qu'à cette époque-là, il vaut mieux passer pour un Européen ou un Américain que, oui. Qu'autre chose. Donc, il est plutôt bien habillé. Il est habillé à la mode anglaise. Mais un peu décontracté, mine de rien. Il porte une veste qui pourrait passer dans un gala ou quoi que ce soit, mais tu sens que c'est pas la première qualité non plus, et que c'est peut-être la seule veste en question. Il essaie vraiment de faire propre sur lui. Et il est plutôt carré, plutôt agréable à regarder, mais il a ce côté vraiment gêné, tu vois, qui regarde pas vraiment dans les yeux. Alors, est-ce que c'est son attitude de manière générale, ou est-ce que c'est parce qu'il a un peu honte d'être arrivé en retard, puisque les Anglais sont connus pour bien des qualités, et il l'a pas montré pour l'instant. Vous m'avez l'air costaud, t'es un peu. Prenez tout ça. Donc je te file la pile de documents à porter. Non, mais bah, je les prends et je. J'en fais tomber un ou deux comme ça. Oh, désolé. Oui, moi c'est Elsa Kastner. Vous me connaissez peut-être. Je suis journaliste à New York. Vous lisez le Daily News ? Ça m'arrive, oui. Ah ouais, c'est super. Bah, on est avec mes camarades, des gens charmants. Hein. On va les retrouver à l'hôtel et puis on doit aller au musée cet après-midi. Très bien. Enfin, le musée de la Fondation Pagnot pour notre enquête. On vous a briefé sur l'enquête ? Autre très vaguement. Vaguement. Ah, une histoire de meurtre. C'est terrible, il faut que je vous raconte tout ça. Bah, à quelle heure il est ? On a peut-être le temps de prendre un petit café ? Vous avez même le temps de manger ensemble, puisque toi, tu as passé la matinée au scoop pour trouver les informations. Je pense que qu'il est facilement l'heure du repas. D'accord. Donc, je ne sais pas, peut-être soit tu retournais au pub où vous étiez avec tes camarades tout à l'heure, ou peut-être soit tu allais ailleurs. Ah oui, bah, peut-être, Charlie, vous connaissez le bien Londres, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut aller manger quelque part Bien sûr, oui. Je vais vous briefer sur l'enquête. Je connais un petit resto pas très loin d'ici. Qui est plutôt calme, on pourra discuter tranquille. Bah, je vous suis, Charlie. Allons-y. Ok. Donc, alors, vous êtes du côté de Fleet Street. C'est une rue qui tire le nom de la rivière Fleet, qui coule sous la chaussée. C'est le cœur de la presse londonienne. Hein. Donc, il y a des cafés qui restent ouverts toute la nuit pour ceux des employés qui travaillent dans l'édition du lendemain, ce genre de choses. Il y a même l'agence de presse Reuters qui est installée au sud de Fleet Street. Et vous avez aussi les bureaux du Times qui se dressent sur Printing Houseware près de la Universitaria Street. Hein. Donc, il y a des trucs assez sympas. Là où vous êtes, par contre, vous êtes un peu dans le cœur, on va dire, moins sympathique de Fleet Street. Les locaux du Zoop, c'est des trucs un peu plus minables, voire un peu malfamés, avec, vous êtes en pleine journée, donc on va dire que la faune locale n'est pas forcément très très présente, en tout cas. Mais toi, Charlie, tu sais que oui, c'est pas forcément le plus sympa des endroits de nuit dans le coin, quoi. T'es pas vraiment du bon côté des streets, on va dire. C'est-à-dire que le scoop, c'est un peu un torchon, on est d'accord. Le scoop, c'est ce qu'on appellerait maintenant un tabloïd de supermarché, c'est-à-dire qu'ils ont des articles très, très punchy pour attirer le lectorat. C'est un peu l'équivalent du nouveau détective, si tu veux. C'est ce que je fais, déjà en fait, mais c'est un poil plus prestigieux, le Daily News, hein, il me semble. D'ailleurs, quand tu avais discuté avec Mickey Mahoney, il t'avait dit que il réécrivait fortement les trucs qu'il recevait des agences de presse. Je lui ai pas promis des articles d'ailleurs. Je crois que j'ai fait cette bêtise. T'as dit que tu verrais, oui, pour les articles, oui. Notamment pour poursuivre les articles que Elias Jackson lui avait. l'avais promis. Ah oui, c'est vrai. Ok. Voilà. Donc, vous pouvez trouver sans aucun souci quand même un café, un truc un peu plus sympa, mais en remontant un petit peu la rue, en vous éloignant un petit peu de cet endroit. Donc, bah, vous avez le choix dans ce que vous pouvez commander. Alors, comme je rappelais aux autres la dernière fois, nous sommes en Angleterre dans les années 20, donc il n'y a pas la prohibition. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils se sont jetés sur une bière dans un pub. Mais du coup, vous pouvez effectivement commander de l'alcool. Et en termes de nourriture, vous pouvez avoir soit du poulet frit, des fish and chips, ce genre de choses. Vous connaissez un peu Londres, mademoiselle Kastner ? J'y suis passé une époque dans une autre vie. Je parcourais un peu le monde. Oui. Je peux vous proposer dans ce cas un classique, hein, le fish and chips fonctionne toujours très bien. Un très bon fish and chips, ouais, c'est parfait, parfait, parfait. Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas déjà vu, Charlie ? Ici peut-être, hein, à Londres justement. Je suis arrivé que très récemment à Londres. Ah. Tu remarques qu'il n'a pas l'accent anglais. Hein. Ah oui, d'accord, vous n'êtes pas anglais. Mon père l'est, mais j'ai grandi non loin de Boston. Ah, Boston, d'accord. Je connais aussi Boston, sûr. Bon, bah, fish and chips, hein, c'est parti, et une pinte. Eh bien, c'est parti. Et du coup, je fais signe au serveur et tu vois, du coup, il est pas anglais, mais tu vois qu'il se fait très bien à la mode anglaise et aux techniques anglaises. Il essaie d'utiliser leurs expressions. T'as vraiment l'impression qu'il essaie de se faire passer pour un anglais. Ok, bien intégré. Ok. Est-ce que tu as un petit melon que tu portes, Charlie? Non, j'ai pas de petit melon. D'accord. J'ai 21 ans et c'est un peu trop vieillot le chapeau melon. Et bah du coup, pour le repas, je lui raconte l'histoire de notre ami Jackson Elias. D'accord. Du coup, Jackson Elias, c'était un écrivain aventurier que nous connaissions, qui faisait partie de la société de l'exploration inexpliquée. Sûrement, vous avez au moins entendu parler de lui, peut-être, Charlie. Oui, oui. Et on l'a retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à New York. Malheureux. Et vous depuis, êtes... vas-y, ben, je t'ai... Oui, non, vous êtes même arrivé alors qu'il venait juste de se faire. Et vous avez quand même réussi à coincer un de ses assaillants. Hein. C'est vrai, oui. Oui, c'était il y a longtemps. Il y a quelques mois. 2 mois, en fait, en réalité, je crois. 2 semaines, je ne sais plus. C'était il y a, en termes de jeu, c'était il y a un mois. Oui, d'accord. Multiplié par 12 en termes de jeu IRL. Ah oui, ouais, même un peu plus. Et sur ces terribles et tragiques événements, nous avons trouvé plein d'indices, nous avons trouvé toutes ces notes et nous avons décidé de découvrir la vérité. Pourquoi est-ce qu'il avait tué ? Et on a trouvé plein de pistes, plein de choses. plein de choses. Quand même, et il aurait été tué parce qu'il pensait que l'expédition Carlyle, une fameuse expédition qui était orchestrée par un millionnaire qui était parti en Égypte, puis au Kenya, et avait été massacré au Kenya, il pensait donc que l'expédition Carlyle n'était pas... que les membres de l'expédition Carlyle n'étaient pas morts, contrairement aux rumeurs qui avaient circulé, mais qu'ils étaient encore bien vivants. Okay. Donc nous sommes partis sur les traces de cette expédition. Qui vous a mené à Londres, oui, dans un premier temps. Oui, tout à fait. Ouais. Après quelques péripéties à New York. Oui, parce que la secte n'a pas aimé qu'on fouille un peu trop dans leurs affaires. Je peux le comprendre. En parlant de secte, il me semblait que vous deviez être accompagné... quel est son nom Percival, non Percival, oui, oui, nous allons le retrouver cet après-midi. Ouais. Ah, très bien, j'ai eu l'occasion de le croiser à quelques reprises. Un personnage étrange, non? Oui, étrange. Il a failli y rester à New York, malheureusement. Oh. Il s'en est sorti et ça l'a un peu décoincé. Hein. Je trouve qu'il est beaucoup plus abordable qu'au début. Oh, ça c'est peut-être pas un mal. Effectivement, le dialogue était un peu compliqué avec lui, mais un personnage très intéressant malgré tout. Frôler la mort, ça vous change un homme. Je veux bien vous croire. Et une femme d'ailleurs aussi, j'ai failli y rester moi aussi. Quoique, je ne sais plus. On a failli se faire enlever également, oh là là. Parce que Erika Carlyle, la sœur de... comment il s'appelle le mec de Roger Carlyle. Roger, pardon. Voilà. Erika Carlyle, la sœur de Roger, qui était une amie, enfin, c'est ce que je croyais. Ça s'est un peu mal passé avec elle. Ah. On a dû s'infiltrer chez elle et lui piquer des affaires. Mais bon. Ah oui, d'accord. Bon, j'espère que votre séjour à Londres sera peut-être un peu plus calme. En tout cas. Je l'espère aussi. Des bonnes bières, des bons fish and chips et des indices d'ailleurs sur les... Bah, du coup, je te fais part aussi des histoires de meurtres à Londres. Donc les articles de journaux qu'on voit. Vous en savez pas un peu plus sur ces affaires, vous qui êtes londonien en ce moment? Écoutez, comme tout le monde, hein, je lis les tabloïds, mais pas suffisamment pour mener une enquête. C'est justement aussi pour ça que je vous attendais avec cette historique. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens pour l'instant. Je comprends. Et cet artiste Miles Shipley, ça vous dit quelque chose? Question OMJ, du coup. Est-ce que je le connais? Tu as dû en entendre parler vite fait, parce que c'est vrai qu'il a fait un peu scandale dans ce qu'il présentait, mais... Mais pas personnellement. Non, tu le connais pas personnellement. Okay. C'est ce que je te dis, du coup. J'ai lu quelques articles un peu brûlants à son sujet. Lui aussi, il a l'air d'être une personne assez particulière. Et tout à fait, je suis bien d'accord. Et je pense que ça vaut le coup que nous passions lui rendre une petite visite à un moment donné. Bon. Bien sûr. Il y a peut-être plus urgent derrière ces histoires de meurtres-là. Ça nous fait penser à des meurtres rituels. J'ai pas le livre avec moi, je pense. Non, puisque c'était Ralph qui lisait ce livre-là, qui était Les cultes secrets d'Afrique. Ouais. Okay. C'est moi qui lisais ça. Ouais, c'est moi qui lisais ça. C'est toi qui lisais Les cultes secrets d'Afrique. Ouais, secte au Kenya, le culte de jungle sanglante sur la montagne. Ah oui, non, mais oui. Il y a un rituel, c'est ça. S'il y a un rituel dedans, et du coup, je l'ai donné à Percival, en fait. Oui, et il lisait un autre livre qui était un livre de voyage. Il pensait que c'était un livre de voyage, c'était La vie d'un dieu. La vie d'un dieu, il est devenu fou d'ailleurs. Il pensait que c'était un livre de voyage et c'est là qu'il vous a fait part de la fraternité du pharaon noir, des abominations, du détail qui était le gourdin piqué d'une pointe pour les meurtres rituels, etc., etc. Ok, bah donc je lui raconte ça et puis je te dis, Charlie, que mon contact m'a donné le nom de l'inspecteur Barrington à Scotland Yard qui est sur cette affaire, donc peut-être qu'il faut aussi lui rendre visite. Oui, ça me paraît être une escale importante, effectivement, bien qu'il ait déclaré à la presse qu'il ne ferait aucun commentaire sur ses meurtres. Ouf, bah vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas encore, Charles. Pas encore, il va déclarer, vous inquiétez pas. Il va déclarer. Ok, alors, avant que vous ne vous lanciez sur une piste de votre choix, juste de MJ à joueur, Doc, est-ce que tu veux plus de contexte par rapport à ce qui s'est passé à New York? Oui, je ne dirais pas non, effectivement. Ouais. Alors, je navigue à vue, là, pour l'instant. Moi aussi. Ok, donc, effectivement, Elia Jackson, membre de la Société de l'exploration de l'inexpliqué, avait prévenu la Société d'exploration qu'il avait des révélations fracassantes. Il a donc contacté la société pour leur demander d'avoir des personnes qui viennent pour justement en discuter, partager toutes ces informations, etc. Donc, ce sont tes petits camarades qui sont venus. Ils sont arrivés à l'hôtel d'Elias et celui-ci ne répondait pas à la porte. Ils sont donc rentrés et ils ont découvert qu'il venait d'être assassiné, que des hommes avaient fouillé ses affaires, qu'ils étaient en train de s'enfuir et ils ont tabassé joyeusement un troisième homme qui, a priori, cherchait à leur bloquer le passage. Ils ont ramassé toute une série d'indices qui montrent que Elias Jackson avait fait un voyage un peu partout, enfin des voyages un peu partout dans le monde pour sans doute suivre sa piste, et que les causes qui apparaissaient de son assassinat, c'était effectivement qu'il pensait que l'élection Carlyle était encore vivante. Donc suite à ça, ils ont commencé à se renseigner un petit peu sur les personnes qui avaient assassiné Elias, et notamment parce qu'ils avaient des armes très étranges, qu'ils portaient des masques très étranges, donc ils ont commencé à creuser un petit peu là-dessus. Ils sont tombés sur une secte qui a priori est une secte qui existe au Kenya, qui s'appelle la langue sanglante, qui utilise justement une sorte d'épée bizarre pour ses sacrifices rituels, etc. Donc ils ont commencé à chercher un petit peu ça, ils sont tombés sur une boutique qui a priori avait des liens. Ils ont tenté de visiter la boutique la nuit, ce qui s'est plutôt mal passé, comme le disait Elsa, c'est-à-dire que Percival a failli se faire bouffer. Il y avait des zombies. Arrivés à l'hôpital pour soigner les blessés, ils ont été victimes d'une tentative d'assassinat, donc ils sont retournés à la boutique, mais là pour le coup avec les forces de l'ordre, en ayant convaincu un lieutenant de police d'y aller. S'en est suivi un affrontement avec une chose absolument innommable et indicible, et nos charmants aventuriers ont ensuite essayé de continuer à creuser les pistes. Alors, il y a eu plusieurs autres pistes un petit peu annexes qui ont été explorées. Ils ont fait un séjour à Arkham pour discuter avec des gens qui avaient fréquenté Elias Jackson, notamment le professeur Coles, qui est australien mais qui est professeur honoraire pendant 6 mois à Arkham et donc qui donne des conférences là-bas. Ils ont discuté un petit peu de ce que pensait avoir trouvé Elias Jackson et ils se sont dit que c'était quand même très important de poursuivre, de savoir ce qu'il avait réellement déterré et si c'était vraiment une menace qui planaient un petit peu partout sur le monde. Et donc, ils ont décidé de partir à Londres pour retracer le voyage d'Elias, mais dans l'autre sens. Très bien. Merci pour, voilà. Pour le résumé. Pour faire très court. Oui, parce qu'il y a eu truc annexe et tout ça. Oh oui, bah, y a eu un enlèvement aussi. Un enlèvement, un entrepôt, enfin, des trucs. Ok. Voilà. Donc, suite à ça, donc, à Londres, voilà, ils ont des pistes à explorer, ils trouvent des nouvelles pistes et vous êtes tous les deux, du coup, que désirez-vous faire ? Charlie, je vous propose qu'on retrouve nos camarades et puis qu'on décide tous ensemble quelles pistes à suivre. On peut se répartir les tâches. Puis, comme vous connaissez bien la ville, vous allez sûrement nous apporter beaucoup. Oui. De toute manière, je ne connais pas vraiment vos compagnons, donc ça serait bien déjà de pouvoir me présenter à eux. Oui, bah voilà. Allons-y. Au pub ou au Savoy. Pardon, là, on s'était donné rendez-vous. Voir au musée, en fait. Peut-être qu'ils y sont déjà. Non, parce que tu sais que ça ouvrait à partir de... Alors, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 16h. Ah oui, d'accord. Ils ont passé la journée au pub pendant que je bosse toute seule. Ils sont à l'heure anglaise, quoi. C'est ça. Je dis peut-être une bêtise, hein, c'est peut-être 14h30, mais à vue de nez, pour moi, c'était... Passons au pub d'abord. Ouais. Ok. J'en connais deux, trois. On pourra les retrouver facilement. Ouais. Parfait. Du coup, arrivé au pub, bah, personne, en fait. Aucun de tes deux compagnons n'est là. Donc, vous êtes sûr que c'était ce pub-là ? Que fais-tu ? Oui. Bah, attendez, je demande au barman s'il n'a pas vu. Je te donne la description de Ralph et de Percy. Vous n'avez pas vu ces messieurs ? Si, tout à fait. Mais ils sont. Enfin, il y a des gens qui sont venus leur poser des questions et ils sont partis avec eux. Des gens, c'est-à-dire ? Je pense que c'était des gens de Scotland Yard. Ah, ils se sont fait déjà remarquer, d'accord. Scotland Yard, ok, d'accord. Enfin, je pense, hein, après, ça peut être autre chose, mais en tout cas, ça avait l'air d'officiel. Ah oui, c'était officiel, des policiers, donc, des policiers. Ils étaient. C'était pas les Bobbies, si vous voulez, hein, c'était. Oui, c'est pour ça que vous dites Scotland Yard, très bien. Ça tombe bien, on doit y aller, on doit aller à Scotland Yard, donc c'est l'occasion. Charlie, il semblerait que nos camarades se soient fait arrêter. Déjà ? Ah oui, d'accord. Oui, désolé. Faudra s'y faire. On a toujours un peu mal à partir avec la police. J'aime beaucoup. D'accord. Ouais, ils se sont fait arrêter. Non. Ils se sont fait arrêter déjà, sérieux. Mais comme on doit aller à Scotland Yard pour voir le détective Barrington. Oui, autant faire d'une pierre deux coups, effectivement. Voilà, on va les retrouver là-bas. Eh bien, c'est parti. Vous êtes véhiculé, Charlie ? On se déplace. Le taxi fonctionne très bien. Eh bien, prenons un taxi. Le métro aussi. Et le métro est moins cher. Non, mais j'ai. Prenons un taxi. Juste petit instant, pas historique, mais juste le métro londonien existe en 1920. Donc, c'est tout à fait possible de l'utiliser. D'accord. Non, mais moi, j'ai me déplace qu'en taxi, Charlie. Le taxi, dans ce cas. Et du coup, je sors et j'interpelle un taxi. D'accord. Donc, pas de problème. Les cabs noirs londoniens. Parce qu'il y a de plus en plus de voitures, effectivement, à Londres, même si vous croisez encore pas mal de voitures à chevaux. Mm-hmm. Vous vous baladez dans les rues de Londres, donc c'est assez compliqué en voiture, parce que vous rendez compte que l'architecture du centre de Londres n'est pas forcément encore prévue pour les automobiles. Mais bon, vous finissez par quand même arriver à Scotland Yard. Donc, Scotland Yard sous Fleet Street, là où vous étiez tout à l'heure pratiquement. Ah, oh, moi, c'est pas de bol. Il n'y a pas de... Voilà, c'est juste ça. Pour être tout à fait exact, en fait, Scotland Yard... Excusez-moi. Scotland Yard est au sud de là où vous êtes actuellement. C'est à côté de Birdcage, la Westminster Abbey, et ça. Donc, ah oui, d'accord. Du beau quartier touristique. Ouais, voilà. Dans ces coins-là, effectivement. Et vous êtes au Savoy, donc on avait dit c'était Regent Street et Paris, quoi. Oui. D'accord. Oui, on est pas très, très loin. Vous n'êtes pas très très loin. C'est juste qu'il faut faire quelques détours quand même pour y aller en voiture. Donc arrivé là-bas, vous voyez effectivement les bâtiments imposés de Scotland Yard et vous rentrez. Il y a un accueil pour recevoir les gens. Il y a déjà pas mal de personnes. Vous voyez plusieurs policiers qui rentrent, qui sortent. Vous voyez une foule de gens divers et variés qui viennent pour diverses raisons, soit parce qu'ils sont embarqués par des policiers, soit parce qu'ils viennent pour poser des questions, demander à voir quelqu'un ou autre. Et je vois pas, je regarde un peu à droite à gauche si je vois pas, j'aperçois pas Percival ou Ralph. Non, clairement pas là dans l'entrée, tu ne vois pas de tu ne vois pas partir. Là, tu es vraiment dans l'entrée d'un énorme bâtiment qui a plusieurs étages, etc. Donc, non, pas vraiment de... Bah, on va demander à l'inspecteur Barrington, directement. Oui, du coup, je me dirige à l'accueil et je demande à voir l'inspecteur. Oui, bonjour. Vous désirez voir l'inspecteur Barrington pour quelle raison, s'il vous plaît, que je puisse le prévenir ? Nous sommes à la recherche de deux de nos compagnons qui auraient été amenés ici dans la journée. Vous savez que l'inspecteur... amené ici ? Ah, j'ai cru que vous alliez me dire qu'ils avaient été enlevés, mais l'inspecteur Barrington ne travaille pas sur les enlèvements. Ils ont été emmenés spécifiquement pour l'inspecteur Barrington. Il semblerait. Mademoiselle Kastner. Non. Bonjour, je me présente. Mademoiselle Kastner, journaliste internationale. Je lui montre ma carte de presse. D'accord. Ah, la presse. Ah bah voilà. Bah. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Deux choses. Il a l'air un peu moins avenant. Comme l'a dit mon stagiaire ici présent, donc il n'a pas toutes les tenues dans les aboutissants. C'est normal. Pardonnez-le. Nous souhaitons voir le détective Barrington au sujet des affaires criminelles qui ont lieu à Londres en ce moment. Vous avez entendu parler, j'imagine. Alors, au niveau des affaires criminelles qui se passent à Londres en ce moment... Les meurtres, vous savez, les meurtres. Ah oui, parce qu'il va falloir être un peu plus précis quand même. Ah oui, mais il y a les meurtres... Vous savez que vous êtes quand même dans la plus grande ville du monde et la plus riche des villes du monde, donc les affaires criminelles qui se passent ici, oui, il y en a. Bon, en tout cas, ça ne vous regarde pas exactement quelle affaire criminelle. Je voudrais rencontrer le détective Barrington. Et accessoirement, retrouver aussi nos camarades qui se sont fait embarquer tout à l'heure. Mais s'ils se sont fait embarquer, c'est peut-être qu'il y a une raison. Ce sont des gens très respectables. Oui, j'imagine, comme beaucoup d'autres. De toute façon, tous les prisonniers sont innocents, c'est bien connu. Ils ne sont pas prisonniers, ils se sont présentés volontairement. Ils ont accompagné volontairement des agents de Scotland Yard. Et donc, vous voulez voir le lieutenant Barrington pour les meurtres, c'est ça ? Ça, oui. Quel oui. meurtre, du coup ? Vous êtes dame de l'accueil ou détective ? Je suis policier en charge de l'accueil. D'accord. Et bien, les meurtres qui ont lieu, vous savez, les meurtres un peu rituels, avec une arme étrange. Ah, d'accord, ces meurtres-là, donc les fameux meurtres égyptiens, là, comme l'appelle la presse. Vous cherchez encore des sensations fortes. Pas du tout, je suis journaliste, grand reporter international. Et on va faire une enquête de fond sur le... Et vous travaillez pour quel journal, déjà ? Vous connaissez le Daily News ? Daily News, fais-moi un jet de chance, tiens. De chance, en plus, d'accord. Bah, là, oui... J'espère qu'elle ne connaît pas le Daily News, du coup, sinon elle va dire non. Réussite majeure. Réussite majeure. Donc toi, ton résultat, c'est qu'il confond le Daily News avec un truc prestigieux. Okay. Ah, oui, j'ai déjà entendu parler du Daily News, un journal sérieux, pour une fois, pas comme ces torchons, là, comme le Scoop, qui parle de nous. Ne me parlez pas de ça, c'est la lie du journalisme, c'est terrible. Ah bah, tout à fait d'accord, madame. Non, mais c'est pour une enquête de fond, hein, sur plusieurs en immersion, peut-être un collègue bientôt d'ailleurs. Je vais prévenir le lieutenant Barrington qu'une journaliste de standing souhaite le rencontrer. Précisez bien, international. Journaliste international. International, d'accord, parfait. Parce que vous êtes international d'où ? Je suis new-yorkaise. Ah, les Américains. Bon, je comprends mieux maintenant, d'accord. Les Américaines. Oui, enfin, même combat. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, patientez, je vais le prévenir. Ouais, donc, il vous fait signe de vous asseoir sur des jolis bancs en bois absolument peu confortables, avec plein d'autres gens qui sont en train d'attendre. Très bien. Bon, voilà, Charlie, on va pouvoir rencontrer le détective parfait. Effectivement, quand vous voulez quelque chose, ça rigole pas. Oui. En plus, là, j'ai pas été obligé de payer, donc c'est parfait. Pour une fois. Charlie, excusez-moi, mais vraiment, on s'est déjà vu avant, c'est sûr. Non, vous êtes sûr, vous ne m'avez jamais vu. Je tourne le visage de droite à gauche. Non je lui mets les yeux dans les yeux. Bah justement, ce que j'allais dire, quand tu fais un truc comme ça, tu vois qu'il détourne vraiment le regard. C'est possible, oui, à l'université peut-être. Non, excusez-moi, Charlie, je vous mets mal à l'aise. Non, pas du tout. Non. Ils nous font signe là, non ? Excusez-moi, le lieutenant Barrington peut vous recevoir maintenant si vous voulez. Ah bah parfait, on arrive. Super. D'accord. Tu vois qu'il se lève prestement et qu'il essaie d'avoir une démarche un peu assurée, mais c'est pas trop ça. Il titube un peu. Ok. Bon, je lève les yeux en l'air et je me lève. Ok. Du coup, vous arrivez dans un petit bureau avec plein de dossiers. C'est un peu le fratras, mais au final, ça a quand même l'air d'être un fratras organisé, en tout cas. Vous êtes nez à nez avec un homme au front haut, au nez en avant, qui semble avoir plus de la cinquantaine, qui est engoncé dans des costumes chic à rayures verticales, qui fait un peu mafioso, du coup. Et il porte... à sa poche de veste une montre à gousset, puisqu'on en voit dépasser la chaîne. Et vous voyez aussi qu'il a une série de couvre-chefs sur le porte-manteau qui est à l'entrée de son bureau. Il vous fait signe de vous asseoir. Il se lève quand même pour vous serrer la main. Inspecteur Barrington, enchanté. Vous êtes Madame Kastner, la journaliste. Mademoiselle Kastner, journaliste internationale. Mademoiselle. Et vous, monsieur, vous êtes Charlie Bradbury, son stagiaire. D'accord, bah écoutez, enchanté de vous rencontrer. Je vous en prie, asseyez-vous. Donc, vous vouliez me parler des meurtres que la presse appelle les meurtres égyptiens. Oui. Vous avez des informations à me confier, des choses qui pourraient faire avancer l'enquête? C'est pour ça que vous venez? C'est pour ça que je viens, tout à fait. Et j'aimerais, je sais que vous aviez du mal à en parler, mais j'aimerais, vous savez que je suis une journaliste importante et j'aimerais qu'on puisse résoudre ces meurtres et travailler en collaboration avec le Scotland Yard. Vous apportez mon expertise et aussi, comme ça, en échange, je pourrais écrire un article, une enquête, hein, plus qu'un article. D'accord. Je sais beaucoup de choses sur ce meurtre. J'ai appris en très peu de temps beaucoup de choses. Mais tu es sincère dans tes... Moi ? Dans ta proposition, ouais. Elsa est sincère dans sa proposition ou elle essaie juste d'obtenir ce qu'elle veut ? Ah bah non, elle veut obtenir ce qu'elle veut. Elle veut qu'il lâche des infos sur les meurtres. Ouais, j'ai rien à lui donner. Tu le baratines un peu, en fait. À part peut-être le nom de ça vient d'une secte africaine, peut-être, je ne sais pas s'il le sait, mais peut-être, égyptienne, pardon. Tu essaies de le manipuler un petit peu, là, on est d'accord. Oui, oui. Tu n'es pas du tout en train de négocier ou de le persuader. Non, je manipule, je joue un peu de mon charme aussi, évidemment. Tu joues un peu de ton charme, bien sûr. Bah écoute, fais-moi un petit jet de baratin, j'ai envie de voir ce qui va se passer. T'as une maladresse, c'est un son. Joli. Tu peux dépenser de la chance ou tu peux pousser le jet. Sachant que si tu pousses le jet, il y aura une conséquence et ça pourra empirer les choses par la suite. Mais... De toute façon, la chance, c'est trop de points là. Ça va coûter trop cher, donc je fais pas ça. Ouais, et de toute façon, on est sur une maladresse, on est sur un sang, donc il y aura forcément de base une conséquence. Tu ne perds rien à essayer de trouver une autre approche pour essayer de pousser le jet. Donc tu vois que ce que tu lui as dit jusqu'à présent, il a l'air de s'en méfier, notamment tu lui as dit que tu étais de la presse. Oui. Il a l'air très très méfiant. Il commence à te dire, excusez-moi, mais ce petit numéro là, on me l'a déjà fait. Voilà, je sais que vous cherchez le sensationnel, ce genre de choses. Oui. Si vous n'avez pas d'informations importantes à partager, tout a déjà été dit. Vous la faire pas... Je vois que vous êtes vraiment un grand détective de Scotland Yard. Oui, désolé, je vous ai menti. C'est que je ne voulais pas vous révéler la vérité. Je ne voulais pas gêner M. Bradbury à côté de moi. En fait, quelqu'un de sa famille est l'une des victimes. Un Charlie, je lui mets la main sur l'épaule. Du coup, je suis hyper étonné et j'essaie de jouer le jeu. Oui, tout à fait. On aimerait résoudre cette affaire. Vous comprenez, il est tellement... Vous voyez dans ses yeux, il est tellement, tellement triste. Essayer de pleurer un peu. Alors, Charlie, je vais te demander un jet d'imposture. Ah. si tu réussis, Elsa lancera avec un avantage. Si tu échoues, elle lancera normalement. Tu fais une maladresse, par contre, elle lancera avec un désavantage. Ok, prépare-toi à lancer ton désavantage. Ah, merde. 5. Ouais, moi aussi. Hein. C'est un échec. Ce n'est pas c'est une un échec. Adresse. C'est vrai. 92. C'est pas beaucoup, mais. Ah, le 92, le fameux. Fameux 92. Et donc, par contre, Elsa, donc, toi, tu te retentes un nouveau baratin, en gros. Oui. C'est-à-dire que, ok, bah, écoute, relance un jet de baratin. Par contre, là, si tu échoues, ça sera considéré effectivement comme une maladresse. Et donc. Il y a des chances que la situation s'avenisse. Je pense que le lieutenant Barrington vous mettra à la porte. Oui. Voir. Et avant de lancer des, si je peux utiliser de la chance sur le. Non, la chance, c'est après. En fait, tu payes pour essayer de Mais même sur un deuxième lancer comme ça. Sur un... Oui, tu as le droit de dépenser la chance. Okay. C'est une réussite ordinaire. 46 sur 56. Réussite ordinaire. Ok. Ah! Donc, surpris, le lieutenant Barrington vous regarde, il fait « Monsieur Bradbury, mes condoléances. » Écoutez, si, bien sûr, si vous souhaitez qu'on échange les informations pour résoudre au plus vite cette enquête, il n'y a pas de problème. Qu'avez-vous de votre côté Lieutenant, il n'y aura pas d'article, hein, c'était vraiment pour vous rencontrer, vous inquiétez pas, tout restera entre nous. C'est bien ce que je viens de comprendre. Que savez-vous exactement de l'affaire et qu'avez-vous comme information qui pourrait m'être utile de mon côté pour accélérer? Est-ce que tu peux remettre l'article, s'il te plaît, à l'écran? Oui, bien sûr. Est-ce que la secte du pharaon noir vous dit quelque chose? Ça me parle. Il y a quelqu'un qui est venu m'en parler il y a peut-être un mois et demi, quelque chose dans le genre. Je fais semblant de chercher dans mon carnet. Jackson Elias? Oui, tout à fait. Oui, vous le connaissez? Oui, c'est un proche. Ah, d'accord. Et il m'avait l'air assez perturbé, voire assez agité. Il m'a donné ça, bon, comme sa réputation avait l'air d'être assez établie, j'ai quand même été me renseigner de mon côté. J'ai demandé à Edouard Gavigan de la fondation Penhew, qui m'a assuré que ce culte n'existe plus depuis longtemps et que la façon dont les... Dont il les vous arts... a dit ça, monsieur Penhew. Monsieur Gavigan de la fondation Penhew. On avait déjà eu ce nom, pardon, maître du jeu, on avait déjà eu ce nom, Gavigan. Gavigan, je ne crois pas que vous ayez eu ce nom. On avait le nom Penhew, mais on n'avait jamais eu... La fondation Penhew, oui, bien sûr, parce que vous avez eu le nom... Aubrey Penhew faisait partie de l'expédition Carlyle, et la fondation Penhew était le lieu où se rendaient Roger Carlyle et deux membres de l'expédition de New York à Londres avant de partir au Cap. Gavigan, ok. Edouard Gavigan. Et donc, il te dit, effectivement, je me suis renseigné auprès d'Edouard Gavigan, donc un égyptologue renommé qui, à l'heure actuelle, dirige la fondation New. Mais il m'a assuré que ce culte n'existe plus depuis longtemps. En plus, a priori, la façon dont étaient menés les meurtres ne correspondait à rien à celui du culte de ce qu'il avait vu dans ses livres. Dans ses livres, voilà. Oui. Monsieur Gavigan laissait entendre qu'Elias était quand même connu pour avoir écrit pas mal de livres un peu sulfureux sur les sectes et qu'il pensait faire. Il pensait que cet écrivain essayait de faire sensation, quoi. Ah bah écoutez, moi j'ai une toute autre image d'Elias. Ah ouais. Parce qu'on s'est renseigné auprès d'autres personnes, notamment un marchand d'épices égyptien qui habite à Londres, qui est très connu dans le milieu égyptien. Il s'appelle Toufik Al-Sayed. D'accord, c'est intéressant. Oui, ça. C'est quelqu'un qui connaît bien le sujet puisqu'il a servi plusieurs fois de guide dans les expéditions organisées par la Fondation Penhew. Et lui aussi nous a affirmé que les guides en Égypte. Oui, tout à fait. Oui, il est égyptien. Oui, non, pas guide à Londres. Il menait des Anglais, enfin des gens de Penhew en Égypte. Oui, tout à fait. Et pour lui aussi, la secte du pharaon noir, là, comme vous l'appelez, elle n'existe plus depuis longtemps. Si des experts le disent, après tout, moi je ne suis pas experte. Hein. D'accord, c'est quand même très suspect. Hein. Parce que vous aviez eu l'occasion de discuter avec Jackson Elias, vous aviez l'air d'être assez proche de ce que... J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Oui. Il va mieux, hein, rassurez-vous. D'accord. Bon, c'était l'euphorie du voyage. D'accord. Voilà. Et je vous ai chargé de lui transmettre, si je trouve des informations. Je transmettrai votre bonjour, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Oui, bah écoutez, faites, bien sûr. Et du coup, de votre côté, Monsieur Barbery, si l'épisode n'est pas trop difficile, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était cette personne à qui vous étiez lié? C'était mon oncle. Sœur, non? Oui, c'est ça, l'oncle de ma sœur. Ouais. C'est ça. Demi-sœur même, je crois, d'ailleurs, du coup. Si c'est exactement, c'était la fille de mon oncle à qui j'ai grandi comme une sœur, oui. D'accord. C'est un peu dur pour moi, excusez-moi, inspecteur. J'imagine. Ça a l'air d'être compliqué. vous avez, j'imagine qu'en tant que journaliste, vous avez creusé de votre côté. Est-ce que vous avez trouvé d'autres choses? Est-ce que vous avez pu parler avec d'autres personnes qui refuseraient de s'adresser à la police, par exemple? Je sais creuser, mais je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup plus d'informations, malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce stage avec Mademoiselle Gassner, qui, pour le coup, est une journaliste de renommée internationale. Peut-être que ça pourrait nous aider de consulter les dossiers, les rapports, peut-être. Oui, bien sûr. Oui, pas de problème. Je veux... Donnez-nous pour... Enfin, je sais qu'il y a 22 victimes, il me semble, c'est beaucoup. Hein. Donnez-nous tous les dossiers, hein. Vous embêtez pas, on trouvera celui de la sœur de l'oncle, enfin de mon ami. Ok, pas de souci. Alors du coup, effectivement, il y a pas mal de... Alors, ils vous donnent accès, effectivement, aux dossiers. Alors, c'est plutôt maigre, chaque fois, les dossiers. Qu'est-ce que vous voyez, c'est que... Alors, est-ce que nous allons en faire un serial killer? A priori, oui. Donc vous rendez compte que il y a quand même pas mal de meurtres. C'est un peu étrange parce qu'il y a pas mal de façons de faire, en fait, en termes de meurtres. Les gens n'ont pas été tous assassinés de la même manière. Ah. Mais alors attendez, faut juste que je vous retrouve un truc. Les aides de jeu en mode lisible sur Internet. Parce que sinon c'est un peu compliqué. D'accord. J'ai totalement oublié nos camarades Charlie. Enfin, demandez aussi où ils sont. Ça se trouve, ils sont même pas là. Oui, ça se trouve, ils sont pas là. Même. Les dossiers, moi, je dis à Charlie que ce monsieur Gavigan, oui, il ment parce que, enfin, s'il travaillait avec la fondation, qu'il travaillait avec Elias, Jackson Elias, pourquoi il dirait que ça n'existe pas? Je trouve ça étrange. Sachant que Jackson est décédé depuis. C'est pour ça que j'ai volontairement dit qu'il allait bien, mais... Ouais, je vois une technique intéressante. Oui, on va dire ça. Alors... Et peut-être parler à ce local aussi, Toufik Al-Sayed, qui peut-être... Il... Face à la police, il dit que ça n'existe pas, mais par derrière, peut-être qu'il dit que ça existe. Oui, oui, il est marchand d'épices. Le nom m'évoque hein, quelque chose, mais... Oui, parfait. Tu saurais facilement retrouver sa boutique, toi, il n'y a aucun... alors, je suis désolé, je ne trouve pas la façon de vous présenter ça, puisque c'est quand même un... Bah, tu nous dis, sinon, on s'associe beaucoup. C'est une liste de personnes. Donc, en gros, vous avez toute une liste de meurtres qui sont recensés comme étant faisant partie de la même liste de personnes assassinées. Les premiers ont été assassinés en 1922. Les derniers ont été assassinés en janvier 1925. Au niveau des lieux, il y a toute une série de rues de Londres qu'il faudrait analyser sur un plan pour essayer de trouver s'il y a des similitudes. Au niveau des origines, la majorité des personnes sont d'origine égyptienne. Seules quelques-unes sont d'origine britannique ou autre. Ah, okay. Au niveau des professions et des âges, c'est assez disparate. Franchement, vous ne voyez pas de lien de causalité, enfin de corrélation. Au niveau des causes des décès et des notes, vous voyez que plusieurs ont été poignardés au cœur, que pas mal de corps portaient des multiples contusions. Alors, certaines fois... attribué à une défenestration, d'autres à une bastonnade ou ce genre de choses. Certains portaient des marques d'entrave, ce genre de choses. Ouais, quand même, essayer de vous donner un petit peu accès à ce registre. Mais là, si ça veut dire... Vous avez dit que la plupart des victimes sont égyptiennes. Ouais, tout à fait. Mmh, pour ça qu'on... Ouais, d'accord. Il y a une secte égyptienne qui tue des Égyptiens, ça se tient. Hein. Et en plus, si les meurtres sont pas exactement... Peut-être qu'ils pensent que c'est un serial killer, mais c'est peut-être un groupe de personnes. Oui, parce qu'il n'y a pas le même mode opératoire à chaque fois. Ah ouais. C'est pas exactement le même mode opératoire à chaque fois, on est tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'est ça. Par contre, on voit qu'il y a quand même des choses qui peuvent être assez similaires. Il n'y avait pas des marques communes, un symbole ou comme ça sur les cadavres ? Non, bonne question, oui. C'est vrai que sur le corps de Jackson, je crois qu'il y avait un symbole, j'avais pris en photo. Il lui avait tatoué un truc, ouais, pas tout à fait. Il a mis des taches sur le front. Ouais, ouais. Il l'avait gravé dans la peau. Ah oui, c'était pas juste une tache. C'est juste une tache. Mais par contre, c'était pas exactement la même... Oui, c'est une autre secte, clairement. Et le tout dernier cadavre, t'as dit que c'était en janvier 1925 Oui, tout à fait. Mais c'est quelques semaines, en fait. C'était il y a un mois, quoi. D'accord. Et est-ce que le corps... il est encore avec nous, le commissaire ? Le lieutenant, oui, je pense, oui, bien sûr. Bah, il ne va pas vous laisser regarder tous les dossiers sans lui. Hein. Il va vous... Oui, bien sûr, je pose quand même la question. Du coup, est-ce qu'il serait possible de voir le corps de la sœur de mon oncle, de ma sœur ? Là, un mois, en fait, quand même... Il est enterré, oui. Ouais. Il a été enterré, ok. Mais les rapports d'autopsie, des trucs comme ça ? Ou c'est inclus dans les dossiers ? C'est inclus dans le registre que j'essaie de vous donner. Ok. Bon, je ne vais pas faire de raccourci, Charlie. Hein. Vous ne méprenez pas hein, sur mes... Mais il y a des Égyptiens, une secte égyptienne, et on a le nom de quelqu'un d'Égyptien qui affirme que la secte n'existe pas. Je dois avouer que c'est quand même relativement un indice sur lequel on devrait se pencher. Au moins rencontrer ce Toufik Al-Sayed. Oui, je pense savoir où est sa boutique. Des marchands d'épices égyptiens à Londres ne courent pas les rues non plus. Fait, bon, bah... Dans les autres informations aussi, Barrington vous dit on a aussi... enquêté du côté d'un club égyptien qui s'appelle la Pyramide Bleue, mais ça n'a pas donné grand-chose. Attends, je note. Dans cette campagne, il faut noter beaucoup de choses. Hein. Oui, j'ai mon bloc-notes qui commence déjà à se remplir. En plus, je prends mal les notes, du coup, je mélange tout. La Pyramide Bleue. C'est un club assez connu C'est un club assez connu, mais c'est surtout un club en fait qui trace à pur récit des noctambules égyptiens. Et comme la majorité des victimes étaient égyptiennes, on a regardé. Nos surveillances policières n'ont rien donné, mais on sait que la majorité des victimes le fréquentaient. Oui. Ah ouais, d'accord. Okay. Et où est-ce qu'il se trouve, ce club ? Toi, tu le sais. Tu le trouves facilement, il n'y a aucun problème. D'accord. Okay, je suis déjà passé une ou deux fois devant, je vois de quoi il parle. Ok, non, c'est peut-être... On peut-être essayer d'y aller ce soir. Ah oui, tout à fait, ouais. Très bonne idée. Toufik, club égyptien, ok. L'artiste, on va mettre ça de côté, ouais. Hop. Pardon, je réorganise mon bordel. Là. Non, j'ai pas le registre des films à partager simplement. C'est un peu compliqué, mais je vous ferai ça. Y a pas... Oui, ok. Très bien. Écoutez, merci pour tout, inspecteur. De rien. Et puis, du coup, bah, si vous avez l'occasion d'aller discuter avec Monsieur Al-Sayed ou d'aller boire un verre à la Pyramide Bleue, n'hésitez pas, si vous apprenez des choses, à me renvoyer l'ascenseur, on va dire. Bien sûr, les inspecteurs, évidemment. Évidemment. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis sur cette affaire depuis un an. Mon prédécesseur qui enquêtait a mystérieusement disparu et je suis à sa recherche, donc tout ce que vous pourrez m'apprendre votre prédécesseur sera, comment ça, sera apprécié. Comment s'appelait-il votre prédécesseur qui a disparu? Cela remonte à loin, je n'ai plus le nom. Ouais, c'est terrible, d'accord. Vous l'avez remplacé ici, d'accord. Okay, pas grave. Je ouvrais le nom, mais là je ne l'ai pas là. Bentley Bobster. Okay. Il y a un inspecteur qui est il y a un inspecteur qui a disparu en enquêtant sur le truc là. C'est ce qu'il a l'air de dire en tout cas. Ah, voilà. Il faut se réveiller, Barrington, hein, à mon avis. Est... Et donc tu vois que Barrington il te dit voilà renvoyez-moi l'ascenseur, n'hésitez pas quoi. On n'hésitera pas. Je vous préviens juste quand même que même si j'apprécie que vous vous renseigniez et que vous parliez à des personnes qui potentiellement ne me parleraient pas en tant qu'officier de police, on va dire que le zèle ne serait pas excusé l'illégalité non plus. Vous prenez pour qui, inspecteur? Attendez, nous sommes des gens respectables. Je n'en doute pas. Je préférerais jouer carte sur table avec vous. Très bien, mais nous jouons aussi carte sur table. Vous pouvez nous faire confiance. Je l'espère en tout cas. On ne se fera pas remarquer, c'est promis. Bien écoutez, j'attends des nouvelles de votre part alors. Oui, tout à fait. On essaiera de s'en souvenir. Je note rappeler l'inspecteur. Ok. Et donc vous parliez de personnes avec qui vous étiez venu, c'est ça? Oui, on a des monsieur Lindley Bloom et monsieur Rupert. D'accord. Qui se sont apparemment été emmenés ici par des agents de Scotland Yard. D'accord. Écoutez, je peux essayer de me renseigner pour savoir ce qui leur est arrivé. Ah oui, très aimable de vous. Je peux vous joindre où, du coup? Attendez, on va attendre ici, puis aller les chercher. Vous savez, c'est grand ici. Hein. Oui, mais s'ils sont dans les locaux, ce serait idiot qu'on ne puisse pas les retrouver maintenant. Je peux voir, oui, sinon, comme vous voulez. Écoute, on va attendre. Demander. Donc, elle a une personne dans le couloir, il lui demande de se renseigner. Si vous voulez attendre à l'accueil, allez-y. Mais on va attendre. Vous êtes prêt à attendre combien de temps? Ils vont jamais revenir. Ouais, je pense qu'au bout d'une demi-heure maximum, Charlie va commencer un peu à s'impatienter. Écoutez, mademoiselle Kestner, je sais qu'on attend vos compagnons, mais le temps presse malgré tout, non? Est-ce qu'on peut pas laisser une note? Ils peuvent nous rejoindre éventuellement ce soir à la Pyramide Bleue. Oui, d'accord. Oui. S'ils sont pas incarcérés. Ok, oui, bon, on va dire ça. On va également demander au inspecteur de nous rappeler à l'hôtel. Oui, okay. Oui, ne perdons pas plus de temps. Et puis, il y a des chances que monsieur Al-Sayed ferme boutique dans pas très longtemps, hein, si le temps passe. Je ne sais pas quelle heure il est, j'imagine qu'on est milieu fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Oui, milieu d'après-midi, oui. Ok, vous avez raison, Charlie. Allons-y. Donc, je laisse mes coordonnées à l'accueil pour qu'ils nous rappellent au Savoy. D'accord. Et on leur dit, fait passer message qu'on va à la Pyramide Bleue. D'accord, ok. On y va à quelle heure? Parce que vous m'avez pris pour votre secrétaire, du coup c'est ça ce que vous faites, non? Vous êtes derrière un bureau, vous recevez les gens, vous notez des trucs, oui, donc c'est ça votre métier. Oui, c'est pas faux. Bah écoutez, je transmets au lieutenant Barrington et puis il verra lui-même ce qu'il souhaite d'ailleurs. Merci, vous êtes charmante, hein. Les Anglaises sont vraiment des femmes charmantes. Passez une bonne journée. Merci, madame. Merci, madame. Et où allez-vous? Je pense qu'on se dirige vers l'échoppe de Toufik Al-Sayed. Mmh. L'échoppe de Toufik Al-Sayed qui se trouve du coup à Ardour Street, à Soho. Alors, très mauvais en géographie londonienne. Et en gros, c'est à gauche, je crois, à l'ouest. C'est là, il y a effectivement Toufik Al-Sayed. Et on a aussi la Pyramide Bleue qui est pas loin. On n'est pas sur la map du coup. Pas si tu... Ah oui, ça marche moins bien, c'est ça que tu me dis? Pas du tout. Ok, c'est bon? Ouais. Oui. Alors, sur cette carte-là, on voit qu'il y a Soho qui est là avec Regent Street qui est Oxford Street, Regent Street. Donc, en gros, c'est un peu là, c'est pas très loin de là où il y a le... Oui, voilà, c'est pas très loin de là où il y a votre hôtel. Tout est à côté. C'est tout petit, là. Tout petit, cette ville, finalement. C'est pas si grand que ça, Londres. On a failli aller à pied, d'ailleurs, Charlie. Vous êtes du coup dans les petites rues de Soho et vous arrivez à Ardour Street. Vous voyez un petit bâtiment d'un étage propre, net, qui indique Toufik Al Sayed, épicerie, un magasin d'épices. Et vous voyez des gens de diverses origines et de classes sociales qui ont l'air de fréquenter le magasin. Attendez, Charlie, avant qu'on entre dans le magasin, qu'est-ce qu'on dit exactement ? Reprenons nos notes. Est-ce qu'il connaît la secte du pharaon noir et pourquoi est-ce que les meurtres ont lieu que sur des Égyptiens ? Ça peut être un angle d'approche. Il faut qu'on le soupçonne. Non, il faut est-ce qu'on se présente comme des journalistes ? Oui, peut-être mieux que des policiers. Oui, après, est-ce que des journalistes ne... Ouais, il va pas aimer non plus, vous avez raison. Il connaissait, ou alors on s'est passé pour des gens de Penyu, la fondation Penyu. Alors tu peux me rappeler ce que c'était la fondation Penyu? Bah c'est en gros, c'est eux qui finançaient les voyages de Jackson Elias, non? Non. C'est, parfait, merci. Dis-nous, maître du jeu. Parce que... Non, c'est donc la fondation Penyu, c'est la fondation auquel appartenait un certain Sir Aubrey Penyu, qui était membre de l'expédition. Ah, de Carlyle, oui. Et c'est une fondation d'égyptologie à Londres. Égyptologie, c'est pas un musée, Aubrey Penyu. Okay. Ouais, effectivement, ça peut être une bonne idée de se faire passer pour les membres de cette fondation. J'ai quelques notions en histoire. Jamais il a des... Parfait, disons ça. Disons qu'on travaille pour la fondation. Très bien. Alors, ok. Alors, vous arrivez donc dans la boutique de Toufik Al Sayed, donc un magasin d'épices qui sent extraordinairement bon. Il n'a l'air d'y avoir que les meilleures épices. C'est une grande pièce simple derrière une grande vitre couverte par un voilage pour protéger les marchandises du soleil. Les murs sont les supports de grands présentoirs en bois pané faits de petits compartiments profonds et carrés, présentoirs que l'on peut refermer avec des couvercles en bois relevés sur lesquels sont accrochés grappes et autres colliers de plantes séchées. Toufik se tient derrière un bureau surchargé de boîtes et de petits sachets d'épices avec une grosse caisse enregistreuse devant un fond de mur de la boutique recouvert d'une ruche en bois de petites cases à épices. Donc vous rentrez dans la boutique, il y a plusieurs autres personnes qui sont présents et donc vous êtes donc envahi par toutes les odeurs qui vous submerge et vous découvrez un petit peu le folklore un petit peu de la boutique de Toufik Al Sayed. Que faites-vous du coup? On regarde un peu, on va faire semblant d'acheter peut-être un truc. Ouais, je vais écouter un peu les conversations des gens, voir s'il y a des conversations un peu anodines. Complètement, oui, ce sont des conversations autour des épices. Vous voyez Toufik qui a l'air de discuter avec des clients. On parle vraiment d'acheter, de vendre des épices, quelle épice, comment l'utiliser d'ailleurs en cuisine ou comment l'utiliser d'ailleurs pour des inhalations ou autres. À quoi sert telle ou telle essence rare, ce genre de choses, comment parfumer, comment faire de l'encens, etc. Okay. Et les clients, ils sont plutôt égyptiens ou est-ce qu'ils ont... De tout. Ils ont l'air... Oui, en fait, il n'y a pas que des Égyptiens, parce que tu as des Égyptiens, tu as des Britanniques, tu as des Indiens aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une grande communauté d'Inde, en fait, en Angleterre, hein, parce que c'est l'Empire, et que là on est sur un magasin d'épices, donc du coup il y a beaucoup de choses qui sont qui font. Les épices, on peut pas se servir, c'est pas libre service, faut demander. Oui, c'est pas libre service, tu peux ouvrir les tiroirs et ouvrir les bocaux pour respirer un petit peu, mais ensuite tu faut voir avec Toufik, vous donner des sacs et vous allez pouvoir mettre les épices. Normalement, les prix sont indiqués, c'est au gramme, et donc ensuite qu'on achète quelque chose, pour aborder, qu'on puisse parler, tu vois, qu'on aille, y a eu pas de front. Oui, ou on peut. Acheter ou on peut l'appeler pour demander un conseil à la première vue. Voilà, oui. Du coup, je lui fais signe. Alors, on se pose devant des casiers à épices. Okay. Effectivement, on renifle comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? Oui, ça irait bien avec là. Puis attendez, demandons conseil. J'appelle, oui, parce qu'on n'y connaît rien. Voilà. Ouais. Alors, vous voyez effectivement Toufik qui arrive vers vous. Alors, Toufik, je l'avais quelque part. Je ne vais pas faire du métageux, hein, pardon, mais je vois un plan avec arrière boutique et des portes ouvertes, je suis inquiet. Non, les portes ne sont pas ouvertes. Hein. Oui, non, mais c'est le plan. C'est le plan qui me dit que si on lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il va s'enfuir. Ah là là. Ouais, pardon, excuse-moi. Je sais que ce n'est pas les métageux, mais bon. Non, mais... Peut-être que ce n'est pas le cas, je dis ça en plus. Ouais. Voilà, donc Luffy Kelsayet, un homme d'âge intermédiaire, d'origine égyptienne, visage long, portant une petite moustache brune, constamment vêtu à l'européenne, avec un complet trois pièces à rayures, il porte un fez rouge. Évidemment. Vous avez donc Luffy qui vient vous voir, qui fait ah, bonjour, bonjour, bonjour, que puis-je pour vous? Comment puis-je vous aider? Qu'est-ce qu'il vous ferait plaisir? Vas-y, je t'en prie, Charlie. Bonjour, cher monsieur. On était en train de se poser quelques questions concernant les épices que vous proposez. Et en fait, en parlant, je vais essayer un peu de bloquer l'accès vers... Enfin, pas bloquer l'accès vers la boutique, mais on l'encercle. On le prend en sandwich. D'accord. Okay. Ouais, enfin, plus pour essayer de l'isoler un peu, pour éviter qu'on surprenne notre conversation, quoi, sur tout ça. Ok, pas de soucis. Pas nécessairement bloquer l'arrière-boutique ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment plus pour... tu vois, je me recule un petit peu pour vraiment que personne ne nous écoute. Mm-hmm. Je vois bien. Vous êtes monsieur Al-Sayed, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Enchanté, je m'appelle Charlie Bradbury. Enchanté, de la Fondation Pennyworth. Ouais, ma compagne ici présente. Ah, d'accord. Bonjour, mademoiselle Kastner. Enchanté. Ravi de vous rencontrer, on nous a beaucoup parlé de vous. En bien. C'est tant mieux. Écoutez, que puis-je pour vous, du coup que me vaut l'honneur de membre de la Fondation Pennyworth ici Elsa, après vous. malheureusement, vous avez entendu parler de... Sûrement, vous avez entendu parler de ces meurtres, les fameux meurtres égyptiens dont on parle. C'est une tragédie, mais bon... C'est... Tragique. Et il y a malheureusement, une des victimes appartenait à la Fondation. Ah bon ? Oui. Juste aura un nom qu'on a lu dans le registre. D'accord, ok, pas de soucis. Ok. Oui. Vous êtes sûr, du coup ? Oui, et du coup, je... j'ai une théorie. Voilà, j'aime beaucoup moi-même l'Égypte et tout ce qui concerne les cultes. Et j'ai entendu parler d'une secte, la secte du pharaon noir. Bon, je crois que c'est un mythe, hein, mais vous en auriez peut-être entendu parler. C'est l'inspecteur chargé de l'enquête qui m'en a parlé, effectivement. Et ce sont des vieilles légendes qui n'existent plus maintenant. Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire à Charlie, qui insiste un petit peu. Mais comme ça, on voit, parce que vous connaissez bien l'Égypte, c'est ça ? Vous travaillez d'ailleurs avec la Fondation, non ? Oui, très bien. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça qu'on a eu votre contact. Alors, Elsa, je t'ai fait faire un petit gilet, je ne sais pas si tu l'as vu. Merde, où ça ? Non, tu ne l'as pas vu. Et tant mieux, parce que ça veut dire que ça marche. Donc Elsa, en fait, tu remarques plusieurs choses. Et je vais faire la même chose d'ailleurs avec Charlie. Où est-ce qu'il est, mon jet de dés ? Comme c'est moi qui l'ai lancé, tu ne l'as pas vu. Ah d'accord. C'est fait exprès. Okay. Donc malheureusement, Elsa, tu remarques plusieurs choses, mais Charlie, par contre, tu ne remarques rien. Tu trouves que l'aisance d'Elsa à baratiner les gens est quand même assez impressionnante. Elsa, toi, tu vois plusieurs choses. Déjà, quand tu dis qu'il fait partie de la Fondation Pennyworth, il est très vite. Tu vois passer une lueur sceptique un peu dans ses yeux. Oui. Quand tu dis qu'un membre de la Fondation Pennyworth a été tué, tu sens que là, il sait clairement que tu mens. Ah merde. Okay. Et il tique quand tu parles de la secte du la fraternité du pharaon. Mm-hmm. D'accord. Vous allez bien, monsieur? Non, mais c'est itique. Très légèrement, si tu veux. Toi, tu l'as remarqué, mais toi, tu l'as remarqué parce que tu viens de faire une réussite extrême, si tu veux. Ah, ok. Oui, d'accord. Okay. C'est, en fait, il n'y a que toi qui as remarqué ça. Personne d'autre l'aurait remarqué. Quoi. D'accord, ok. Donc, je ne le dis pas tout de suite. Très bien. Tu vois que c'est passé dans son regard un flash juste un instant, mais c'est tout, quoi. Oui. Ensuite, il a enchaîné en disant, mais non, c'est que des légendes. L'inspecteur Barrington m'en a parlé, mais bien sûr, j'ai été rechercher mes vieux ouvrages, mais ce sont que des légendes, c'est des choses qui ont disparu depuis longtemps. Vous avez des ouvrages sur le sujet ? J'ai été au British Museum et à la Fondation Pennyworth, où ils ont plein d'ouvrages reconsulter, et des ouvrages donc en égyptien que j'ai pu consulter. Pour aider la police, vous comprenez bien. Je comprends, oui. Aider la police, c'est important, et à résoudre cette affaire. Tout à fait. Pour sauver, enfin, au moins, honorer la mémoire de notre ami et collègue disparu de la Fondation. Ah oui. Oui, j'imagine, oui. C'est bien triste pour vos collègues, oui. C'est Monsieur Gavigan qui nous a donné votre contact. Vous le connaissez bien ? J'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec lui, notamment quand j'ai mené des expéditions en Égypte pour la... J'ai servi de guide pour la Fondation Pennyou. Oui. D'accord. Et M. Gavigan, il était avec vous en Égypte ? Il est venu à certaines expéditions. Et tu vois effectivement que quand tu as dit Gavigan, il a aussi un petit quai. Oui, bien sûr. C'était fait exprès. Ok. J'imagine. Et... Je continue sur ta, sur ta réussite extrême. D'accord. J'ai envie de balancer le nom, là. Ok. Et alors, j'ai consulté les dossiers. L'expédition Carlyle, vous connaissez quelle expédition qui a disparu ? Ah, ça me dit financée en partie par Pennyou. Hein. Ah oui, oui, oui. Avec Sir Aubrey Pennyou qui avait mené la fonction. Oui, oui, oui, bien sûr. Quelle tragédie. Il a disparu, hein, d'ailleurs, Aubrey Pennyou. Ah oui, oui, complètement, oui. Une terrible tragédie. Oui. Ils sont passés en Égypte, d'ailleurs, vous ne nous avez pas rencontrés à l'occasion. C'était il y a déjà quelques années. Donc. Oui, c'était il y a quelques années, mais non, je ne les ai pas rencontrés. Enfin, vous savez, moi, j'ai ma boutique ici, je sers de guide de temps en temps quand il faut aller en Égypte, mais en vérité, je crois que comme ils sont partis avec Sir Aubrey Pennyou, n'avaient pas besoin d'un guide. Ils connaissaient très bien l'Égypte. D'accord. Oui. D'ailleurs, il a monté une fondation d'égyptologie qui porte son nom. Oui, oui, bien sûr, pour laquelle on travaille d'ailleurs. Oui, voilà. Et bon, on ne va pas vous déranger, on va prendre ces épices-là. On doit faire un poulet rôti ce dimanche, vous avez peut-être quelque chose à nous conseiller ? Ah bah, tout dépend de ce que vous souhaitez comme épices. Vous avez l'habitude des... Je ne sais pas, peut-être juste du paprika pour le poulet rôti ou... Ah bah oui, très bien, du paprika, ah, parfait. Okay. On va vous prendre un kilo de paprika. Un kilo de paprika, vache. Putain. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec un kilo de paprika, mais ok. Bah, du coup, oui. Ça va aller tout droit dans mon équipement, déjà. Ouais, ouais. Après, t'as combien en crédit, déjà, juste comme ça ? Ça coûte cher, un kilo de paprika. Ah ouais, non, t'as 70 en crédit, oui, non. T'as moyen de faire des chèques. Ouais, je suis une fille à papa, il ne faut pas l'oublier. C'est pas mon argent que je dépense en plus. C'est ouais, ouais, enfin, c'est... T'aurais dit 500 grammes de paprika, tu vois, même pas, tu vois, t'aurais dit, allez, 100 grammes de paprika, voilà, un kilo de paprika, là, ça, quand même, je regarde un petit peu si t'as les moyens de te payer des trucs comme ça, parce que c'est pas quand même plus... Et bah, je lui ai fait sa journée, hein, c'est... Ouais, ouais, allez, c'est ça. Et donc, que faites-vous, maintenant que vous avez un kilo de paprika ? Eh ben, on va se régaler, Charlie, hein, ce week-end. Oh, oui, ça va être très bon, ouais. Ouais, je fais un clin d'œil à Charlie pour... Je sais pas, pour lui faire comprendre, je pense qu'il faut qu'on sorte en fait, du coup. Ah bah du coup, monsieur Al-Sayed, ça a été un plaisir de faire votre connaissance. De même. J'ai envie de tenter un dernier truc juste avant qu'on parte. Plaisir partagé, vas-y. Un peu comme Colombo. Ah, j'oubliais, j'ai vu un nom, Jackson Elias, ça vous dit quelque chose ? Il est pas venu par ici, par hasard. Non, ça ne me dit rien du tout, je suis désolé. Est-ce que je vois dans ses yeux ? Oui, tu vois qui tique, bien sûr. Ok, parfait. Ok, pas de problème. Allons-y, merci pour votre chaleureux accueil. C'est un plaisir, en espérant vous revoir bientôt. Oui, vous inquiétez pas. Et on sort. Oui. Et vous sortez. Dès qu'on sort, je dis à Charlie que... Il m'a l'air honnête. Non. Charlie, réveillez-vous. Quoi, je l'ai pas vu, il a tiqué dès qu'on disait le nom de Pennyou, Gavigan. Je pense qu'il nous a pas cru une seule seconde. Vous êtes sûr ? Je sais pas, il me paraissait honnête, moi. Certaine, j'en suis certaine. Je sais reconnaître un menteur quand j'en vois un. Tu vois que je tique un peu quand tu dis ça, pour le coup. écoutez, je vous fais confiance. Que faites-vous alors ? Du coup, c'est... J'ai peur qu'on se soit mis en danger, mon petit Charlie. Déjà ? Ah ! C'est un peu la phrase de Charlie. Le gimmick. Ouais, c'est ça. Déjà, ils se sont fait arrêter. Déjà, on s'est mis en danger. Déjà, tu vois, c'est pas. C'est marrant parce que c'est pas comment ça on s'est mis en danger ou comment ça ils se sont fait arrêter. Non, c'est. Déjà. Genre, ça allait se produire, mais je pensais pas que ça allait se produire aussitôt. À mon avis, Charlie, cette secte existe toujours, hein, cette fraternité. Ça expliquerait beaucoup de choses. Ça expliquerait les meurtres, ça expliquerait. Et peut-être que c'est lors de ses voyages en Égypte avec ce Gavigan. Peut-être même ce Gavigan il fait partie aussi de la secte. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se planquer quelque part et de le voir si Monsieur Al-Sayed va, je sais pas, rejoindre quelqu'un ou... Ouais, c'est une bonne idée, oui. On attend la fermeture de sa boutique, on essaie de le suivre. Oui, on peut essayer de faire ça. Je voudrais pas vous faire peur, hein, mais à New York, quand on a voulu faire ça, ça s'est mal passé, je crois. Oui, mais ici, c'est pas New York. C'est Londres, vous connaissez ça par cœur. C'est juste que ces gens sont très dangereux, hein, je pense. Vous préférez qu'on attende vos compagnons avant ? Ce serait bien qu'ils soient là. Ou alors on repasse à l'hôtel, voir si l'inspecteur a appelé, je ne sais pas. Oui, de toute manière, on a encore un peu de temps avant qu'il ne ferme la boutique. Et on est à côté. On a vu et ça. On n'est pas loin. Après, est-ce qu'il fait... je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on attend la bouteille? C'est mieux d'attendre, non? Qu'est-ce que t'en penses? En tant que moi, joueur, je dis. Ah, en tant que joueur, pour moi, c'est mieux d'attendre. Ouais. Bon, ok, moi, je te fais confiance. On attend, ouais. J'hésite, mais peut-être c'est mieux d'attendre. Voir si... Vous attendez à côté de la boutique, c'est ça? Ouais, on se met un peu discrètement. Genre, si, si un... s'il y a un café en face, on peut se poser et regarder avec un journal où on a découpé deux petits trous pour les yeux. Ah oui, bonne idée, Charlie. C'est très discret. Oh mon Dieu. Et vous attendez, vous êtes prêt à attendre jusqu'à quand, en fait, c'est ça, Luc, c'est, On attend jusqu'à ce qu'ils sortent. Hein. Jusqu'à ce qu'ils sortent. Il y a une arrière-boutique, merde. On n'est pas censé l'avoir vu, la réponse que tu m'iras. Mais... C'est vrai, on pouvait se douter qu'il y a peut-être une porte de derrière, vous croyez. Peut-être, Charlie, il faut qu'on aille voir s'il y a une porte de derrière. Oui, écoutez, oui. Parce que, vous faites le tour de la boutique, effectivement, il y a une porte de derrière. C'est pas... Il faut qu'on les attende des deux côtés, du coup. Bah, c'est un peu le problème. Le problème, c'est comment on fait pour se prévenir s'il sort d'un côté ou de l'autre. Mais on se met à un angle de la rue. On peut se voir. On peut se voir et qui donne sur les deux rues, les deux rues qui nous intéressent. D'accord. C'est possible, ça, géographiquement? C'est compliqué. C'est compliqué parce que vous êtes dans un amoncellement de petites ruelles, donc c'est pas forcément un truc avec... Parallèle, quoi. Ouais, voilà, c'est pas évident de faire ça. Sachant qu'en plus, la boutique n'est pas forcément un angle de rue ou ce genre de truc, donc voilà. Après, de toute manière, bon, s'il a repéré quelque chose, très bien, mais quand il fermera la boutique, il y a plus de chances Art... par la porte principale. Oui, de toute façon, on va le voir fermer la boutique. Donc, au pire, à ce moment-là, on sait pas. Si on ne voit pas sortir par devant, on court derrière. Oui, voilà. Ok, ouais, faisons ça. Passons ça. Donc, vous attendez et vous attendez toute la fin d'après-midi pour qu'il puisse fermer sa boutique, c'est ça? Et, oui. Ouais. Ça va assez vite puisque vous voyez qu'il ferme à 17h. Évidemment, c'est un Anglais. C'est un Anglais. Il va donc au pub. Et je vais vous demander de me lancer un petit descente. Un descente. Descente. Ok, donc a priori, il ne va pas du tout au club. Il reste chez lui. Il habite au-dessus, en fait, de... Ouais, a priori, il y a un étage et ça doit être son appartement. Bon. Et est-ce que vous voulez qu'on essaye d'aller voir dans l'arrière-boutique? On pourrait rentrer dans la boutique, ouais. Vous avez des notions pour ouvrir les portes qui sont fermées, Charlie? Absolument. Ah. Monsieur Rollis, ouvrir des portes. Rolliste. Crochetage, non. C'est pas moi, en tout cas. Non, c'est... moi non plus. Merde. C'est sûrement ce Ralph, ce bon vieux Ralph qui n'est pas là, bien sûr. Non, sinon c'est très simple. Bon, peut-être que ça vaut le coup d'attendre nos compagnons pour le faire, alors. S'il est chez lui, est-ce qu'on dirait pas, du coup, plutôt à la pyramide bleue, dans ce cas? Ouais, ok, bon, je suis d'accord. Mais je vais noter qu'il faut qu'on revienne. C'est vrai que visiter sa boutique quand il n'est pas là, ça peut être intéressant, quand même. Oui. Ok, bah, allons à la pyramide bleue. Ouais. Ok, ok. Alors, je regarde juste un truc. T'es étudiant en archéologie, Charlie? Tout à fait. Oui, toutes sortes d'époques. T'es plutôt un érudit. Quoi que non, t'as dit que t'étais carré, quand même. Ouais, enfin, il est standard. Il est pas maigrichon, mais il est pas ultra musclé non plus. T'es pas spécialiste du combat, donc. Non, c'est pas trop le... Je me débrouille sur deux, trois aspects, mais... Je crois que, parce que Ralph, qui est avec nous... Je sais pas si tu vois les autres persos affichés. Je les vois affichés. Ouais. Ralph, c'est plutôt notre combattant, et Percival, c'est notre mec qui est branché occulte. Et après, il y avait Anatoly et Gustave, qui sont restés à New York. Ouais. Pour l'instant, en tout cas. Et je crois que c'était Anatoly, voilà, c'était une ancienne soldat. Ouais, qui était un peu à pied. Agent Carter. Complètement. Ok, et donc vous allez à la pyramide bleue. Pas de souci. Pour moi, en tout cas. Oui. La pyramide bleue, donc en plus, c'est juste à côté. Hein, c'est vraiment pas loin de là où est la boutique de Tufik. C'est à Wardour Street. C'est un club de Soho réputé pour ses danseuses du ventre, sa nourriture et ses chanteurs égyptiens. Le patron est un certain Abdul Nawisha, un homme replet, taciturne. Donc, vous arrivez dans le club, ambiance tamisée, ambiance exotique, des jeunes femmes en tenue plutôt légère qui dansent de table en table. Il y a des clients qui glissent des billets entre les bretelles et les lacets de leur tenue de danseuse orientale. Voilà, et vous pouvez vous restaurer et boire en écoutant les chants et les musiques égyptiennes. Je déteste ce genre d'endroit. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Et ces femmes qui sont obligées de danser pour ces hommes pervers, inacceptables. Du coup, j'arrête de regarder les danseuses. oui, c'est vrai que c'est un peu dégradant. Effectivement. Non, mais vous pouvez regarder, Charlie, je vois bien. Je suis pas votre mère. Non, c'est... Ni votre petit ami. Travail. Je suis pas votre petite amie non plus, donc pas de problème. Si vous voulez vous rincer l'œil, oui, moi aussi. Donc est-ce voilà, bah, vous êtes du coup dans le... Ok, qu'est-ce qu'on fait? Bah... Ouais, bah est-ce qu'on repère peut-être un groupe de personnes, peut-être, c'est comme un carré VIP Non, pas réellement, non, il n'y a pas de... C'est plutôt une petite scène au bout avec un décor orientalisant, les tables un petit peu mises dans une salle avec un bar qui est un peu excentré. Vous pouvez. Il y a du monde. Il y a une scène d'Indiana Jones comme ça d'ailleurs dans un club. Ou c'est dans la. Non, ça doit être dans la momie que ça commence dans un club comme ça. Indiana Jones, c'est un club chinois. Ouais, c'est oui, c'est chinois. Ça. Bah, c'est en fait, c'est un peu la même disposition que le club chinois dans Indiana Jones, mais bon d'accord. Là. Ça va finir comme dans Indiana Jones. Version orientale. Bah, j'espère. Là, c'est des VIPs, hein, c'est pas des. c'est... Voilà, okay. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde du coup? Le club a l'air d'être plutôt rempli, oui. Et c'est plutôt une population d'origine égyptienne ou il y a un peu de tout? Un peu de tout. Vraiment très éclectique. Par contre, en termes de classe sociale, là, c'est quand même des gens qui ont l'air plutôt aisés. Ouais. Okay. Et pas de traces de Percival, je jette un œil, voir si, parce qu'éventuellement, ils ont eu le message qu'on était ici. Bon. Non, aucune trace ni de Percival ni de Ralph. Le service est fait comment? Il y a des serveurs qui viennent nous... Oui, il y a des serveurs qui viennent vous voir pour vous demander ce que vous voulez. Okay, est-ce qu'on ne poserait pas la question à un serveur s'ils ont vu l'un des... l'une des personnes qui a été tuée. Est-ce que vous savez à quoi ressemblent les personnes qui ont été tuées? Bah non. On a les noms. Vous avez des noms. Vous avez des listes de noms. Vous avez une liste de 22 noms. Mais le dernier nom, alors, le plus récent. Ouais. Le plus récent, du coup. Je ne pas avec ces tableaux ce tableau de victimes. Là, qui est... Cette enquête, il y a trop de choses. Non. Bah, l'enquête, ça va. Mais... Ouais, je n'arrive pas à tout suivre. Alors, le nom, c'est Abdelmajid Talib Daher. Je suis désolé pour ma prononciation. Et donc, vous demandez au serveur s'ils ont vu quelqu'un comme ça. Donc, vous essayez une fois, deux fois, mais a priori, non, personne n'a jamais entendu parler de cette personne, ce monsieur. D'accord. Ok. Et ouais, il n'y a pas de carré VIP, donc il n'y a pas de gens plus importants que d'autres. En tout cas, il n'y a pas de distinction sur les gens plus importants que d'autres par rapport à la location. Oui, il n'y a pas de carré VIP. Je vais essayer de repérer un homme plutôt aisé, plutôt anglais d'origine. Il y en a plusieurs. Et de l'aborder. Et je voudrais qu'il soit seul. Ou pas d'ailleurs. Oui, il y a plusieurs groupes d'hommes ensemble, mais il n'y a pas de personne qui soit venue seule ici. Mm-hmm. Donc tu vois des groupes d'hommes. Jeune, vieux. Bah je sors une cigarette puis je m'approche d'un des hommes qui a la plus riche. Je demande s'il a du feu. Oui, je demande avec un accent bien américain. J'insiste sur mon accent américain. Ok. Oui, bien sûr, mademoiselle. Donc il allume la cigarette du coup. Ok. Je tapote sa main pour qu'il éteigne la flamme. Tu vois, je suis là, contact. Premier contact. D'accord. Okay. Je lui fais un grand yeux. Merci. La galanterie anglaise. Vous êtes vraiment des gentlemen ici. Pour vous servir, madame. Que faites-vous ici? Mademoiselle Kastner, je lui tends la main. Enchanté. Je suis venu m'amuser. Je suis John Wellington, enchanté de vous rencontrer, mademoiselle Kastner. John Wellington ? Votre nom ne me dit rien. Non, votre nom ne me dit rien. Je ne l'ai pas noté, en tout cas, dans mon carnet. Vous fréquentez cet endroit souvent ? C'est magnifique. C'est un endroit intéressant pour y passer ces soirées. Intéressant, je lui fais un clin d'œil. Et puis après, je jette un regard vers une des danseuses. Mm-hmm. Oui, moi j'adore la danse du ventre en plus. Je suis ravi d'être là. Ah oui, mais je pratique moi-même un petit peu en amateur. Ah, je suis sûr que vous devez être très doué. Oui, je suis très doué, oui. Est-ce que je peux vous demander un petit service? Je suis désolé de vous demander ça parce que je ne connais personne à Londres à part mon frère qui est juste derrière. Je pointe du doigt à Charlie. Je regarde et quand je fais un petit signe de la main. Votre frère? Ah, d'accord. Oui, il me chaperonne, vous comprenez? Parce que, oui, d'accord. Okay. Parce que j'ai tendance, quand je bois, en fait, je fais un petit peu n'importe quoi, donc j'ai besoin de... J'imagine juste que vous avez une histoire de famille compliquée. Quoi. Si vous dites ça, oui, c'est mon demi-frère. Mon père a eu des errances. Ça arrive, des choses qui arrivent. Que puis-je pour vous, alors Mon frère aimerait beaucoup découvrir Londres, et peut-être que vous pourriez l'aider, je sais pas, je serais que je tente à tout hasard. Oui, volontiers, il n'y a pas de souci. Peut-être demain, je pourrais lui faire visiter, s'il le souhaite, oui. Et me faire visiter moi aussi, à l'occasion. Je veux dire visiter Londres avec vous. Oui, avec plaisir. Tu pourras couper ça. Non. qu'est-ce que tu essaies, Elsa, entre nous? J'essaie de savoir si c'est un régulier de cet endroit, et puis essayer de tirer des infos après sur soit les noms qu'on connaît, donc si cet endroit est fréquenté par Gavigan ou par Toufik Al-Sayed. Fais-moi un jet de chance. Ok. Et oui, il faut pas oublier, c'est parce que les victimes partaient d'ici à chaque fois, plus ou moins. C'était dans ce quartier-là. Il y avait pas mal de victimes qui fréquentaient le club. C'est extrême. C'est extrême en chance. Ok. Donc effectivement, c'est un habitué du club et il a déjà vu effectivement Toufik Al-Sayed et Edouard Gavigan ici, rarement. ensemble. Ils ont l'air de mener leur vie de leur côté, mais en tout cas, oui, ils les voient de temps en temps ici. Ouais, intéressant. Ce sont des hommes importants, hein, Monsieur Gavigan. La Fondation Penhew, c'est ça? Vous connaissez peut-être? Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois qu'il est directeur de la Fondation Penhew. Voilà, directeur, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Je ne vous ai même pas demandé. Moi, je travaille à la City. La City, d'accord. Financier dans la finance. Oui, dans les banques. Un banquier, j'adore les banquiers. Vous m'envoyez ravi. Directeur de la Fondation, ok. Vous avez entendu parler de ces meurtres récemment? Entre égyptiens, je veux dire. Dans la presse, toute la presse en a parlé. Oui. Bah, on voit ça dans les journaux, effectivement. Oui, bah, plusieurs victimes auraient fréquenté la pyramide bleue juste avant de mourir. Du coup, je me fais du souci pour vous, quoi. Vous n'avez pas peur avec cette histoire de venir? Écoutez, je n'étais pas au courant de ça, mais... Vous n'êtes pas au courant, mais vous ne lisez pas les journaux. Si, mais rien n'indiquait qu'ils étaient des habitués d'ici. Ah bah, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Oui, maintenant, je l'apprends. Écoutez, vous m'apprenez. Ensuite, non, je n'ai pas peur. Je viens régulièrement avec des amis ici et il ne m'est jamais arrivé. Donc, non. Bon, est-ce que. C'est peut-être que vous êtes un peu gêné, mais je suis américaine, je suis direct. Vous m'offririez un verre? Oui, volontiers. Que désirez-vous boire? Ce que vous voulez. Okay. Surprenez-moi. Okay. Il te commande un cocktail qui arrive. Ok, ben, c'était pour essayer de trouver un moment avec Charlie sans qu'il entende. Mm-hmm. Il va aller demander un cocktail au bar, alors il va pouvoir. Oui, ok. C'est Charlie, je l'ai dans la poche, là, ce Wellington, mais je ne sais pas quoi lui demander. Vous voulez pas m'aider? J'essaie de vous intégrer auprès de lui, mais il est très charmant, hein, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas grand-chose. Oui, qu'est-ce que vous lui avez demandé jusqu'à présent? Al-Sayed de fréquenter ce lieu, il m'a dit oui, ainsi que Gavigan, le directeur de la Fondation Penhew. C'est déjà beaucoup d'informations, hein? Ouais. Par contre, il n'était pas du tout au courant de cette histoire de meurtre. On peut peut-être essayer de voir... Oui, juste parenthèse, le fait que qu'une grande partie des victimes fréquentaient... C'est la police qui le sait. C'est la police qui vous l'a dit. Oui, d'accord. C'est pas une information qu'on retrouvait dans les journaux. Ok, d'accord. Maintenant, il le sait. Oui, maintenant, ça va peut-être être une information qu'on retrouve dans les journaux. Oui, bon, ça, c'est pas très grave, j'ai l'habitude. Ouais, ça dépend si tu veux être en bon terme avec Monsieur Barrington ou non. Ouais, c'est vrai que c'était déjà compliqué, bon, on s'en fout. Mais non, ça se passait très bien avec l'inspecteur. Est-ce que vous savez si les deux se côtoyaient ici? Ou il n'y a pas pu vous dire? Alors, j'ai pas entendu avec cette musique. Pardon. Est-ce qu'il vous a dit si les deux se côtoyaient? Si Al-Sayed et Monsieur Gavigan se côtoyaient quand ils venaient? Est-ce qu'ils venaient ensemble? C'est une bonne question, on va aller lui poser. Ben, venez avec moi, je vais vous présenter Charlie. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, John, vous rejoignez John Wellington au bar, il a ton cocktail. Que fais-tu? Mais je vous présente mon frère Charlie, qui est avide de découvrir cette ville. Enchanté. Charlie, je suis nouveau en ville, entre autres. Enchanté. Du coup, c'est vous qui voulez visiter la ville demain, c'est ça? Visiter la ville demain? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit, Charlie. Tu voulais visiter la ville. Oui, le Londres que je ne connais pas et que j'aimerais pas visiter. Mm-hmm. Oui. Dites-moi, John, tout à l'heure, je vous ai parlé de Gavigan et Al-Sayed. Vous saviez s'ils étaient ensemble? Enfin, ils se voyaient Alors, comme je vous ai dit, oui, je les ai déjà vus à la même soirée, mais je ne me souviens pas les avoir vus ensemble. Je les vois plutôt de manière séparée quand ils viennent ici. Mais vous les connaissez personnellement? Non. Ah. Je les connais non, parce que ce sont des personnages quand même qui ont une certaine réputation. Hein. Tiffy Kelsowet, il est d'ici, il est du quartier, il vient régulièrement ici. Et Gavigan est un archéologue, un égyptologue, c'est ça, oui, la Fondation Penhew, qui est quand même assez... Il n'est pas là ce soir, par hasard? Non, je ne me souviens pas l'avoir. Quand ils viennent, est-ce qu'ils viennent seuls ou plutôt en groupe, un dîner d'affaires ou ce genre de choses, par exemple? Je ne sais pas. Après toutes ces questions, je ne suis pas forcément un de leurs intimes et je ne fais pas forcément attention à ce qu'ils font quand ils viennent. Oui, pardon. Oui, John, pardon. C'est vrai qu'on s'emballe un petit peu. Bon, on va vous me laisser vos contacts. Vous êtes dans un hôtel particulier? Bon. Oui, je vais vous laisser ma carte, c'est pas si. D'accord. Okay, bon, on se rappelle demain pour la visite. Aucun problème. Avec grand plaisir. Merci. Merci pour le verre. Hein. Merci, c'est très aimable. Bon, je crois qu'il sait rien. Je crois qu'il sait rien, ce John. Non, effectivement, ça ne nous avance pas beaucoup. Si ce n'est que. C'est ma technique du hameçon, comme ça marche parfois, mais pas toujours. Je prends quelqu'un au pif et je pose des questions. Mais bon. Ouais, il faut avoir un peu de chance, quoi. Mm-hmm. Très bien, ça nous avance pas beaucoup plus. peut-être. Est-ce que vous pouvez que l'heure continue à tourner et qu'à un moment, de toute façon, à une heure, la pyramide bleue ferme. Après, je me dis qu'il faudrait peut-être rencontrer les propriétaires de cet endroit. Ouais. Est-ce que le fait qu'on ait commencé à poser des questions, ça a l'air peut-être d'avoir interrogé certaines personnes? Est-ce qu'on capte des regards vers nous, ce genre de choses? Pas forcément, là. Vous n'avez pas l'impression. Okay. Oui, effectivement, on peut aller parler au propriétaire. Mais c'est pareil, on va aller parler au propriétaire, mais si Toufik et Gavigan viennent ici régulièrement, on va être suspect plus qu'autre chose. Ouais, on va peut-être se faire avoir comme à la boutique. On peut dire qu'on peut demander un rendez-vous pour plus tard, éventuellement. Oui, pour quel motif ? Pour faire un article sur ce formidable lieu qu'est la pyramide bleue. Oui, ça c'est une bonne idée, effectivement. Le prétexte d'un article peut être intéressant. Ouais. Publicité gratuite, ce propriétaire sera forcément d'accord. Oui, ça c'est une bonne idée, effectivement. Je demande au barman si le propriétaire de la pyramide est là ce soir. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est possible de le rencontrer, parce que je suis journaliste et je suis tombée amoureuse de cet endroit. J'ai envie d'écrire un article dithyrambique sur ce lieu pour faire venir tout Londres ici. Et je me dis qu'une interview du propriétaire, ce serait parfait. Bah écoutez, je vais lui demander s'il souhaite vous recevoir, il n'y a pas de souci. Eh bah ouais, bah très bien. Allez-y. Ok, je vais te redemander un petit jet de chance. Que la chance va tourner. Ou peut-être plutôt un jet de persuasion, en fait. Là. D'accord, échec. Un échec. Un bel échec. Le barman revient ensuite en disant « Ah, je suis vraiment désolé, mais actuellement, Monsieur Nawisha est... Nawisha. Est occupé et il ne peut pas vous recevoir. Mais par contre, il serait honoré de vous recevoir demain. » Eh bah parfait, demain. Oui. Parfait. À quelle heure Un petit peu avant l'ouverture du club, vers 17h. D'accord, très bien. Bah, vous lui dites que... je lui donne mon vrai nom aussi. Que Mademoiselle Kastner, journaliste internationale, sera là 17h pour l'interviewer. Parfait. Bah écoutez, faisons ça. Je lui transmets que vous serez là demain à 17h. Bon, il est temps de repartir. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée par contre de donner nos vrais noms? Non, c'est une mauvaise idée, mais je suis James Bond n'existe pas encore, mais je suis une sorte de James Bond. D'accord. Non, mais oui, j'ai pas eu de nom, mais non, c'était une très mauvaise idée, je pense. De toute façon, vous l'avez fait depuis le début, là. Donc... Oui, c'est une réflexion RP après coup. Hein. C'est ça, c'est un peu... Bon. Elsa a tendance à donner son vrai nom un peu trop, mais bon, tant pis. Ouais, et puis Charlie, c'est pas un enquêteur ou quoi que ce soit, hein, donc... Pareil, il n'a pas le réflexe. Mais bon, avec ce qui s'est passé avec Toufik, d'après ce que tu lui as dit, si on commence à se présenter partout avec ce vrai nom-là, ça va peut-être attirer un peu les... Bonne remarque. On va changer de nom. On va trouver un autre nom. Eastwood ou un truc comme ça. Eastwood, ça peut... Elsa Eastwood et Charlie Eastwood. On est frères et sœurs. Très bien. Allons pour Eastwood. Bien écoute, il est retourné à l'hôtel. De toute façon, lui, il commence à se faire tard. Oui. Les compagnons ne sont pas là. On a pris la plus grande suite, donc je ne me doute pas qu'il y aura un lit pour vous, Charlie, si vous voulez. À moins que vous ayez déjà un pied à terre, j'imagine. Oui, j'ai un pied à terre. Quand, bah, peut-être accompagnez-moi à l'hôtel quand même, au cas où. Ça, si je peux vous présenter, s'ils sont rentrés. Évidemment. Évidemment. On part à l'hôtel, je vous raccompagne. Donc, vous partez de la pyramide bleue et. Que vous me disiez, vous m'avez dit que vous baliétiez tout le temps en taxi, sauf que actuellement il n'y a pas de taxi. Ah merde, de toute façon on n'était pas très très loin. Oui, on y va à pied. Alors que vous baladez à pied dans les rues de Londres la nuit, vous avez rencontré le fameux smog londonien, donc cette espèce de brume mêlée aux fumées d'usine qui répand ses couleurs un peu partout dans Londres. Et donc la visibilité se fait de plus en plus difficile, d'autant plus qu'une partie de Londres est éclairée encore au gaz et l'éclairage public n'est pas dans les rues. Vous avancez. J'ai peur, Charlie. 23e et 24e victime, ce sera peut-être nous. mais non, ce n'est pas nous. C'est vrai. C'est là que je dois vous avouer, Charlie, que je déteste cette ville. Vraiment ? Pour quelle raison ? J'ai des mauvais souvenirs ici. Ah. Et je vais vous demander de me faire un petit jet. Alors, je sais pas si on a une compétence là-dessus. Sur quoi ? L'odorat. La perception, je dirais. Ouais, il n'y a pas de perception. C'est trop. Ah oui. Alors, on a quand même écouté, si tu veux, t'as Louis. Mais l'odorat. Donc, faites-moi un jet de trouver objet caché. Un toc. Réussite majeure pour tous les deux. Bien joué. Alors, à chaque fois, je vous coche vos compétences qui réussissent. Ah oui, putain, c'est vrai. Non, mais je les ai cochées là depuis le début, mais n'hésitez pas à cocher les compétences qui réussissent. À chaque fois qu'on réussit une compétence, on la coche ? Ouais. Alors, j'ai raté persuasion. Charlie, toi, c'est... coche pour indiquer les compétences. D'accord. Voilà. Mais oui, non, mais j'ai, Elsa, j'ai coché tes compétences. Oui, j'ai vu ça aussi. Charlie, j'avais juste fait un jet d'imposture, il n'a pas réussi. Oui. Donc, vous trouvez une odeur bizarre à travers les odeurs de la ville, de fish and chips, de nourriture un peu, des ruelles et autres. Il y a une odeur qui commence à devenir de plus en plus prégnante, une odeur de cheveux brûlés. Voilà. Cheveux brûlés. Mmh. Qui semble se rapprocher de plus en plus de vous. On presse le pas. Ouais, on va presser le pas. Ouais. Alors que vous commencez à essayer d'avancer de plus en plus vite, vous avez l'impression que le brouillard autour de vous tente de vous saisir, tel des bras étranges. Je vais demander à chacun d'entre vous de me faire un petit jet d'initiative. Donc, oh merde. Quoi Non, il n'y a pas de jet d'initiative. Oui, tu m'as fait peur. Là. Oui, non. L'initiative, en fait, c'est ta dextérité. Celui qui a la plus grande dextérité commence et celui qui a la petite va ensuite. Voilà. Donc, combien avez-vous en dextérité ? 50, 70. Okay. Charlie, tout d'un coup, tu sens comme des tentacules de brume qui se recroqueville autour de toi et qui tente de t'enlacer. Fais-moi un jet d'esquive. Qu'est-ce qui se passe ? Okay. Une réussite ordinaire. Tu arrives à te dégager de la brume, mais tu as l'impression effectivement que quelque chose est dans la brume, mais tu n'arrives à rien voir. Que fais-tu ? D'accord. Un peu étonné, je prends Elsa par le bras et je me mets à courir. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose. La brume, j'ai l'impression qu'elle essaie de m'attraper. C'est bizarre. Dépêchons-nous. Je cours. Donc, vous continuez à courir et Elsa, toi aussi, tu vas me faire un petit jet d'esquive. Raté de 2 points. Un échec. Ah. Tu peux me lancer un D6, s'il te plaît. Attends, je peux cramer de la chance, là. Tu peux cramer de la chance, si tu veux. Tu peux cramer 2 points pour réussir ton jet d'esquive. Que 2 points. Que 2 points. Je fais. Ok, je laisse enlever les 2 points de chance de ta... Et tu transformes donc cet échec en réussite. Tu sens effectivement les tentacules de brume qui s'enroulent autour de toi et en te débattant avec l'énergie du désespoir, tu arrives à t'en sortir et tu continues à courir auprès de Charlie. Je les ai sentis aussi, Charlie, vite. Mais on court de plus en plus vite pour se réfugier à l'hôtel. Alors que vous êtes encore dans la brume, dans le smoke, vous avez fait à peu près la moitié du chemin qui vous sépare de l'hôtel. Vous sentez encore ces tentacules autour de vous. Faites-moi tous les deux un jet d'esquive. Non. Un échec. Moi aussi. Lancez-moi tous les deux un des six. Un. Vous subissez déjà 1 point de dégâts et vous avez l'impression chacun d'avoir été attrapé par un tentacule qui commence à essayer de remonter vers votre visage. Oh, je me débat. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je vais vous demander un petit jet de force avec avantage pour tout le monde. Donc on regardera la ligne plus 1. Ouais. C'est un échec. Réussite extrême. Réussite extrême. 0,5. Elsa, tu arrives à te dégager, tu arrives presque à saisir cette tentacule de brume, même si au bout d'un moment tes doigts passent à travers, mais ça te permet de te libérer. Toi, Charlie, tu n'arrives pas à réussir à... Tu restes emprisonné dans cette brume et tu vas me relancer un petit D6. Charlie, non. Le reroll. 4. 4. Tu prends 4 points de dégâts et tu as l'impression d'être attrapé de plus en plus par des tentacules. Alors que tu vois Elsa qui est devant toi, qui s'est libérée et que l'odeur de cheveux brûlés tout autour est de plus en plus prégnante. Vous avez l'impression que la brume est devenue de plus en plus épaisse, vous empêchant de voir et étouffant tous les sons autour de vous. Elsa, que fais-tu ? Toi qui es libre. Je sors mon appareil photo. Ok. Avec un flash, bien sûr. Bien sûr. Qui est toujours prêt. Vas-y. C'est les flashs qui s'éclatent, c'est les ampoules, tu sais. Et je fais une photo pour essayer de voir en fait ce qui se passe vraiment à travers la brume. Je sais pas si un flash, ça risque de. Oui, si, je vais voir quelque chose, a priori. Ok. Bah, tu me fais un jet de sas. Ah, merde. Un jet de flash. Un jet de santé mentale. Non, j'ai plus beaucoup de points, raté. C'est un échec. Lance un D10. 6. Ouf. Easy peasy, lemon squeezy. Je préfère, j'en ai vu d'autres. Donc, tu vois effectivement une chose dans l'éclair du flash, tu vois une espèce de chose qui n'est que brouillard, une sorte de présence immatérielle qui ressemble à un nuage gris scintillant, entouré de fins tentacules en fouet qui semblent s'étirer jusqu'à des mètres et des mètres. La lueur que tu as déclenchée semble avoir réussi à faire fuir pour l'instant la chose, et tu vois les tentacules qui entouraient Charlie et qui semblaient en fait commencer à rentrer dans ses narines, s'éloigner. Donc toi, Charlie, tu as senti donc ces tentacules qui t'enserraient et qui commençaient à venir rentrer dans tes narines pour essayer de fouiller jusqu'au cerveau. Tu vas me lancer un petit D8, s'il te plaît. Le baptême. 5. Mmh. Tu as donc 5 points de santé mentale et c'est assez pour provoquer une folie temporaire. Ok. Du coup, alors, folie temporaire, c'est-à-dire que pendant un moment, tu vas perdre le contrôle de ton personnage. Ouais. Putain. Ah oui, c'est première partie. Ouais, c'est baptisé. Ah bah, c'est ce qu'il faut. Il faut. Non ? On n'est pas là pour ça ? Bah, on fait les Duke Toulouse pour ça. Hein. Ouais. Sinon, je jouais dans Donjons et Dragons. Exactement. Et on tire l'initiative. Qui sert à... J'allais la faire, j'étais en train de boire. Oui, désolé pour l'initiative, c'est juste... Vieux réflexe. Oui, on va dire ça. On va dire ça. C'est juste, voilà, il y a des trucs comme ça. Ça dépend des versions de Cthulhu. Trop de versions, trop de choses. Mais on joue alors, avec la 7, t'as dit, hein ? Oui, on joue avec la 7. Ah oui, il faut. Oui. Ok, alors, donc toi, Elsa, tu as vu les choses horribles qui se passent. Et donc, toi, Charlie, tu as perdu 5 points de santé mentale, donc ça signifie que tu as subi un traumatisme suffisant pour tester ton équilibre et voir si tu craques ou non. Donc je vais te demander un jet d'intelligence. Si tu réussis ton jet d'intelligence, ça veut dire que tu as compris exactement ce qui se passait, tu l'as analysé et tu as intégré ça dans ta réalité. Autant dire que ce n'est pas très bon. Si tu rates ton jet d'intelligence, par contre, tu te dis « Ok, j'ai eu un moment, j'ai cru voir ça, mais en fait c'était pas ça, j'ai eu un moment où voilà ». Il y a sans doute un truc bizarre qui s'est passé, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve, ce n'est pas plus bizarre que les légendes que je connais sur, je ne sais pas, le sanglier de Londres ou autre. Voilà. D'accord. Donc, il vaut mieux avoir une faible valeur d'intelligence. Parfait. C'est ma deuxième plus haute. Oh, c'est quand même un échec. Oh, 99. Donc, écoute, tu ne deviens pas temporairement fou, ce qui est plutôt une bonne chose. Ok. Et du coup, ça te permet en fait de pouvoir avoir le contrôle de ton personnage et donc de devoir agir. Et notamment là, alors que Elsa a lâché les choses, les tentacules t'ont libéré, alors qu'elle commençait à essayer de farfouiller à l'intérieur de ton crâne via narine. Et tu peux donc agir, faire quelque chose. Et Elsa aussi. Mais je tends la main vers Charlie. Pour dire, il faut partir vite. La chose est partie. Ouais, je prends la main pour me relever. Et puis on part en courant. Ouais. D'accord. Je ne me pose pas de questions. Vous courez, comme des dératés, vous arrivez au Savoy. Et arrivé déjà dans les alentours du Savoy, vous êtes rassuré de voir que la brume est moins présente et que les lueurs des lampadaires sont beaucoup plus importantes. Et arrivé au Savoy, toutes les lumières sont allumées. Vous sentez tirer derrière. J'ai peur qu'on se soit fait repérer du coup par quelque chose. Qu'est-ce que c'était que ce truc-là ? Je sais pas, mais depuis le début de cette enquête, il y a des trucs surnaturels qui nous arrivent. On n'est pas la société de l'exploration de l'inexpliqué pour rien. Ok, est-ce que parmi mes lectures, j'aurais déjà entendu parler d'un pareil, des tentacules de brume sur MJ ? Dans tes lectures qui sont représentées par un score d'occultisme, on va dire, plus ou moins. Ouais. Je pense. En tout cas, ouais. je pense plutôt, dans ma formation d'archéologue, d'avoir lu des livres sur des mythes, des légendes, pourrait parler de ce truc-là. Mais oui, après, j'ai une notion d'occultisme. Vas-y, archéologie, ça peut... En fait, tu n'as pas besoin de jet. C'est-à-dire que... Il y a beaucoup de mythes et légendes qui peuvent faire appel à des créatures qui sont dans la brume, mais ce sont des mythes et des légendes, si tu veux. Ça, c'est pas vraiment... C'est pas censé exister. Mais, et notamment dans les légendes amérindiennes, il y a des choses qui surgissent de la brume, etc. Mais ce sont censés être des esprits, des choses comme ça. Là, ça matchait pas complètement. Et puis surtout, ça vous est arrivé en vrai, quoi. Okay. Voilà. Croyez-moi ou pas, Charlie, mais à New York, nous avons vu des zombies, des morts vivants. Des zombies, comme dans ces légendes Vaudou. De Louisiane et... Exactement, ce genre de choses. Dans les sous-sols d'une boutique étrange. Bien, on peut dire que vous attirez les problèmes. Malheureusement, oui. Je crois que c'est cette enquête qui nous attire des problèmes. Alors que vous êtes au Savoy, donc l'accueil te fait savoir qu'ils ont un message pour toi, Elsa. Ah bah, parfait, oui, c'est sûrement nos amis. C'est un message du lieutenant Barrington, oui. Qui te dit qu'en fait, tes amis ont été gardés et interrogés par la douane. Ah merde, ils ont fait passer des trucs. Voilà. Non, mais souviens-toi, ils avaient essayé de planter les lois et d'essayer de faire passer des trucs. Avec des armes à feu. Et il y avait eu une maladresse. Enfin, il y avait eu un pushage de dés. Donc il y avait ça, c'est Ralph. Donc il allait avoir une complication. Voilà. C'est des armes à feu, c'est sûr. Ok. Je crois que Ralph, il a dit qu'il gardait ses armes avec lui. voilà. Et sur ce, je vous propose d'arrêter la là pour ce soir. Très bien, on va devoir sortir les gens de prison, c'est parfait. Alors, ils vont être libérés, mais c'est sans équipement, quoi, j'imagine. On trouve des armes, alors, quand même. Bah oui, c'est ce qu'on lui... On s'est tué à lui dire, mais il n'a pas voulu nous aider, soi-disant. Ses armes fétiches, je sais pas quoi. Ouais, son chien, en plus. Et c'est vrai qu'il a un chien. Ouais. Il est venu avec un chien ? Oui. Ouais. D'accord. C'est son équipement, c'est son chien. Plus des flingues. C'est un chien avec des flingues. Et bah, cool en tout cas. Et ouais. Est-ce que ça allait? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était pas trop lent en termes de rythme? Non, on est dans une enquête. Non, ça m'a pas du tout. Non, non, c'était pas lent. Moi, j'ai eu du mal à me mettre dans le bain parce que sans l'historique et tout, c'est un peu compliqué. Ouais, bah, je pense qu'on aurait dû te refaire un débrief total. J'aurais peut-être non, pas puis dû moi, je suis pas à jour sur le truc non plus. Hein. Non, mais ouais. Je peux pas trop t'aider du coup. Ah mais du coup, c'est vrai que je te laissais un petit peu tout le temps le lead sur les conversations parce que je sais pas trop pourquoi on est là, pourquoi on enquête réellement. Il y a, ouais. Il y a les grandes lignes, mais voilà. Mais c'est bien parce que Riley non plus. Non, mais c'est vrai, par contre, de temps en temps, c'est là sur les parties d'Hérald, une autre partie de Cthulhu, ah, où, oui. À la troisième séance, il est là, mais pourquoi on fait ça déjà? Genre. Tu vois, troisième séance, t'es obligé de lui réexpliquer le but du scénario. Par contre, une demi-heure après, il anticipe la fin du scénario en disant « Non, mais il va se passer ça, ça, ça, ça, ça. Non, ça peut pas être comme ça, je suis parano. » Et il y va, t'es là, t'es par « Si, en fait. Ouais. » Il faut se remettre dedans, comme on joue pas assez souvent, assez régulièrement. Ouais, c'est tellement compliqué. C'est hyper compliqué, il y a tellement de noms, de pistes et tout. Bah là, vous avez quand même des bonnes pistes qu'il faudra partager avec les autres. Ah bah oui, là, c'est clairement les gars, on les a trouvés, hein, les méchants. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu sais où il faut aller, tu sais grosso modo qui tu dois rencontrer, mais en fait, tu sais pas quoi leur dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est le côté où le fait de pas avoir d'historique, quoi que ce soit, c'était un peu compliqué. Mais c'était cool comme partie, bien aimé. Ouais, ok. J'avais entendu des perches pour l'histoire avec mon amant, là. Je sais pas si t'avais oublié. Non, pas du tout, je l'ai noté, mais... Parfait. Mais c'est justement pour ça que je jouais un peu le regard fuyant et tout ça, c'est qu'il se souvient très bien. Il se souvient. Oui, t'as vu. Hein. Oui, parfait. Mais comme il a un crush sur toi, il veut pas le montrer. Voilà. Ok, parfait. Bah, je continuerai là-dessus. Ok. Parfait. Bon, bah, en tout cas, je suis content que ça ait quand même plu. J'avais peur quand même que ce soit un peu lent, sachant que j'ai essayé d'orienter un petit peu les choses et de pas trop accélérer non plus, parce que ça va être quand même relativement rapidement mortel, surtout à deux joueurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas effectivement, l'intégralité de la force de frappe de l'équipe, ça peut être compliqué. Oui, mais clairement, il faut qu'on soit au moins... tous ensemble. Voilà, mais bon, c'est quand même bien parce que ça permet, enfin, il y a une explication au fait que les deux autres ne soient pas là. Oui. Explication totalement terre à terre, en fait. Ouais, tout à fait. Et bon, j'ai pas besoin d'aller chercher très très loin. Hein, très... Ah oui, mais j'y ai pas pensé du tout, hein, mais bon. Je pensais que c'était soit arrêté pour, ou soit carrément la secte qui s'était occupée d'eux, et c'est qu'ils se font passer pour des flics et tout. Et quand même, vous avez quand même réussi à commencer à accumuler des indices et des. Bon, on a des suspects, oui. Des suspects, en tout cas des gens qui sont au courant de... Et Doc, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un résumé un peu large de ce qui s'est passé. Ouais, histoire d'avoir... ou en tout cas de ce que connaîtrait Charlie, tu vois. S'il soit passé à New York, à la limite, c'est normal qu'il ne le sache pas. Bah après, ce que connaît Charlie, moi, je comptais sur les autres pour te dire ce qu'ils avaient envie de te dire. C'est-à-dire en mode, voilà, nous, on fait aussi partie de la société d'exploration inexpliquée. Voilà ce qu'on a vécu et on va avoir besoin de toi, parce que toi aussi tu fais partie de la fondation, de la société, et que tu connais Londres, quoi. On n'a pas de raison de cacher quoi que ce soit. Après. Non, bah, clairement, mais du coup, voilà, c'est juste, je comptais comme ça, et c'est vrai que du coup, comme il n'y avait que toi, Riley, avec les deux autres, il y aurait peut-être eu plus de... Comment dire, vous seriez peut-être plus engrené à balancer des infos, à balancer des trucs, à mettre les gens au courant, à dire. Alors là, c'est quand Percival s'est fait bouffer. Ah ouais, mais là, peut-être que Percival, il aurait dit oui, mais attends, parce que moi, je me suis peut-être fait bouffer, mais il s'est passé ça avec machin, etc. Ouais, c'est sûr. Oui. Mais ça aurait peut-être plus été. Pu rebondir un peu plus, mais bon, voilà. Et du coup, ouais, pour les infos, ouais, on a essayé de faire un résumé un peu. Et ouais, c'est ça, c'est que là, ils sont ils sont sur les pistes de pourquoi Jackson Elias a été assassiné. Oui, c'était ça, là, au départ. Et ils ont donc enquêté, découvert qu'il y avait des sectes secrètes, qu'il y avait des, a priori un réseau de sectes secrètes à travers le monde, qu'il y avait une espèce de plan, notamment parce que l'expédition Carlyle, qui était censée avoir disparu corps et biens au Kenya et avoir été massacrée, avait l'air de, les membres avaient l'air d'être encore vivants pour Jackson Elias, et il a été assassiné pour ça. Oui. D'accord. C'était un peu ça. Donc, il y a eu pas mal de. Je pense que ça vaut le coup de. Quand ça sortira en podcast, qu'il y ait un micro-résumé au début de chaque épisode. Tu vois. Mais de ta part, peut-être que tu enregistres un preview. Normalement, il y en a un. À chaque fois, on fait un petit résumé de ce qui s'est passé. C'était plus facile, effectivement, quand on jouait de manière hebdo. Mais là, je dis carrément même. Peut-être à la limite que tu coupes ces résumés qu'on a déjà fait et puis tu réenregistres des trucs. Hein. Bon, bref. Et je mets une petite musique de Kansas derrière. Carry on my way. Voilà, c'est ça. Previously. Je sais pas, non, je parle d'un point de vue épisode après. Non, mais tout à fait. Ouais. Tout à fait. Au niveau du montage, il faudra voir comment on se prend. On va sans doute à Previously. Mais, ouais. Parce que là, par exemple, Globetopus, ils font pas sur leur truc des masques, là. Il n'y a pas de résumé. Non, mais en même temps, ils ont sorti l'intégrale en un coup, là. C'est ça, mais dès que tu fais une pause, t'es paumé, par contre. J'ai pas depuis quelques temps, et j'ai arrêté tout à l'heure, et je me souvenais. C'est vachement bien, mais c'est vrai que 10 heures d'intégrale, pour se l'écouter d'un coup, c'est quand même... Ouais. Du coup, j'ai arrêté d'écouter. Donc, je sais que après, ce qu'ils jouent là, c'est pas ce qu'on fait pour le moment, mais ça me frustrait de commencer ça et de. Ouais. Ils font le truc avant, en fait. Ouais. Ils font dans la nouvelle version, il y a un scénario qui se passe avant New York. Face au Pérou, il y a eu. Ils font ça, en fait, qui n'existait pas, que nous, on n'a pas fait du mal. Ouais. Moi, j'ai introduit les choses différemment, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que Jackson Elias fasse partie d'une société à laquelle les personnages joueurs appartenaient aussi. Ça permet de créer des liens, ça permet de faire des choses. Et puis ouais. De faire venir des persos, en faire disparaître d'autres. Dans la campagne des masques de Nyarlathotep, le gros problème du démarrage de la campagne, c'est que tu as des personnages à qui on dit bah voilà, ça c'est votre ami Jackson Elias, et dans les 5 minutes qui suivent le début de la campagne, c'est votre ami Jackson Elias s'est fait tuer. Donc en gros, tu as juste une ligne sur ta feuille de perso qui dit que c'est ton ami. Tu l'as pas rencontré en PNJ dans d'autres scénarios avant, tu as aucun lien avec lui en vrai. Ouais, ça sort de nulle part. C'est ça. C'est voilà. Donc, moi, je sais que j'avais participé au départ d'une campagne de Masque de Nyarlathotep où j'avais joué Jackson Elias sur d'autres scénarios. C'était pas un petit scénar puisque c'était Rafio et Liqueur d'Agle. C'était carrément une mini campagne hein, quand même, truc où j'ai joué Jackson Elias sur la mini campagne. Effectivement, tu passes à travers ces galères-là avec un autre joueur qui joue Jackson Elias, et quand on t'annonce ensuite que votre pote Jackson Elias s'est fait suicider dans la chambre d'hôtel... Ouais, l'impact, il est là, quoi. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait du coup avec le Pérou, là, en rajoutant le Pérou. C'est que tu fais une aventure avec lui en PNJ. Quoi. Ouais. Ah, d'accord. Okay. Mais du coup, je pense qu'on peut aller plus loin encore. Le faire jouer, le donner en pré-tiré à un joueur, je pense que ça peut rendre des trucs vraiment intéressants. Ouais, sous réserve qu'il ne rate pas trop CG. Quoi. Oui, mais après, on arrive toujours à sauver les gens. Oui, Puis bon, avec quand même le coup des points de chance, le fait de pouvoir pousser ton jet en 7e, t'as quand même. Si ça se passe plusieurs années avant son meurtre, si. Ouais. Donc il peut être soigné entre-temps si jamais il arrivait des saloperies. Tu bricoles et tout ça, ouais. Oui, bien sûr. C'est vrai que tu as toujours moyen de remanier le truc. Oui, et puis... Ça me dérange pas, juste la tâche. Ouais, il faut bien un truc qui lance la partie. Je sais pas, moi, ça m'a trop dérangé, ce truc, en fait. Ce truc-là, ouais. Enfin, le fait que tu connaisses pas Elias, quoi, c'est un jeu de rôle, après. C'est pas le premier scénario où c'est dit comme ça. Et alors, tu sais, on parle des deux grandes campagnes, les masques de Nyarlathotep et l'ennemi intérieur pour Warhammer. Oui. Les masques qui sont sortis en 84, l'ennemi intérieur, pareil, je crois, ou 85, dans le genre. Et ben, le démarrage de l'ennemi intérieur, il est quand même vachement différent. Il était vachement plus dedans directement, quoi. N'en dis pas trop, parce que. N'en dis pas trop, ouais, s'il te plaît. On fait la session 0. Il est dessus, là. Ouais. On fait la session 0 dimanche. Ouais. Ah, bah, tu vas voir, c'est rien à voir. C'est direct dedans. Quoi. Ouais, il y a un côté de Midiaresque assez cool. L'astuce pour intégrer les joueurs dans le truc est géniale. Enfin, elle est plutôt bien amenée. Ouais. Après Riley ayant déjà lu une partie du truc, ça va un peu, va falloir un peu remanier tout ça. Le synopsis est top. Moi, j'ai lu le premier scénario. Ah bah, tu sais comment ça commence. Je sais qu'il y a une histoire de sosie, de sosie de PJ. Tu prends sa place ou... Non, c'est pas ça. Dis plus rien. Moi, je dis plus rien. Moi, je dis plus rien. Ok. Si, c'est ça. Du coup, c'est vrai que le truc de Jackson Elias, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais derrière, ouais. Okay, mais plus, après, d'ailleurs, on s'intéresse plus à Carlyle finalement qu'à Elias, je trouve. Mais... Bah oui, enfin, oui, parce que c'est en fait. Elias, c'est juste le déclencheur. Le vrai truc, la vraie enquête, c'est sur l'expédition Carlyle. C'est reprendre l'enquête que lui, il faisait finalement. Voilà. Est-ce que les membres de l'expédition Carlyle sont réellement vivants ou est-ce qu'on a assassiné Elias pour une autre raison? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces sectes qui se trouvent dans différents pays? Ce genre de truc. Mais oui, oui, au final, Elias. Bah, c'est juste un peu le déclencheur, malheureusement. C'est son nom qui est partout dans la campagne, mais au final, pas vraiment ça que tu cherches. Parce que ceux qui ont tué Elias, tu les trouves dès le début, en fait, quand tu ouvres la porte à cette eau. Ah oui, d'accord, donc les mecs, oui, ah oui, les mecs des zombies, tout ça. Des sectateurs, quoi, mais... T'as trois sectateurs dans la chambre. T'as trois sectateurs dans la chambre, si t'arrives assez tôt, parce que tu peux aussi décider de laisser les joueurs patienter en bas dans le lobby de l'hôtel, mais ce que je trouve... On a commencé devant la porte, hein, je crois. Oui, tout à fait, devant la porte. Et je crois que vous êtes devant la porte, vous avez frappé, mais personne ne répond. Je sais pas, il y a un mec qui nous a attaqué direct, il me semble. Je sais plus. Non, attends. Vous avez écouté à travers la porte, vous avez entendu du bruit, et Anatoly, elle a défoncé la porte, et il y avait un mec derrière, elle a tapé tellement fort sur la porte que le mec s'est encastré dans le mur en face. Parfait. Donc non, ils vous ont pas agressé direct, ça serait plutôt l'inverse qui serait vrai. Très bien. Et bah, merci en tout cas, c'était chouette. Bon, bah, je suis content que ça se soit bien passé. On va essayer de ramener les autres pour la prochaine partie et puis d'avoir un peu plus. Oui, parce que tout, c'était à New York, c'était pareil, on n'était pas tous ensemble. C'est pour ça qu'il y a des. Ouais, puis j'ai eu des cafouillages sur les plans, surtout on peut aussi. Enfin, je sais que tu voulais faire un peu de table ouverte, mais. Il y a l'enquête aussi en dehors de Londres qui peut être faite, j'imagine. Oui, il y a des choses qui peuvent être faites à côté. Après, en fait, New York, c'est un chapitre qui est, on va dire, de mise en jambe. Donc, c'est quand même assez simple de survivre. Ah oui, d'accord. Là, si on va voir les loups-garous, ouais, c'est pas pareil. Là, ce qui arrive après, là, c'est Londres. Déjà, Londres, c'est... Le monde s'est conquis. Tu as perdu beaucoup de points de vie déjà, en plus, là, Charlie. Ouais, j'ai un peu pris cher. Londres, ça peut être très vite très compliqué. C'est des gros morceaux, quoi. Ça dépend comment vous y prenez, mais... On va être prudent. Ouais, après, c'est Toulouse, hein. Si ton personnage meurt ou il devient fou, c'est même partie du jeu. Hein. Non, moi, Elsa va jusqu'au bout, j'annonce. J'ai pas eu le temps de m'attacher encore au personnage, donc pareil, je n'ai pas encore bien trouvé comment l'interpréter. Je suis pas vraiment parti sur l'idée de base que j'avais, tu vois. Elsa va jusqu'au bout, mais en combien de morceaux, c'est la question. J'aime beaucoup ma Elsa, donc j'ai pas envie qu'elle meure. Il va falloir te mettre en mode OSR, alors on dirait. Non, je vais être prudent. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer de donner des faux noms, déjà. Ok. Il y a ça. Et c'est pour ça, après, on peut faire en table ouverte, on peut faire des trucs, mais... Oui, je disais ça, parce que c'est comme ça qu'on avait commencé, mais c'est vrai que... De toute façon, les autres, ils ont abandonné les premiers, Anatoly et Gustave. Ils ont arrêté la partie. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est la partie jeu en ligne, leur convient, ils préfèrent en IRL. Je comprends, mais... C'est vrai que c'est pas pareil. C'est déjà compliqué de ramener des gens sur une soirée en virtuel. Les samedis deviennent chers. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Dac, et bah bonne nuit, les gars. Ouais, bonne nuit. Merci encore pour la partie. À tout. C'était cool et à très vite, tu nous dis. Ouais. Et si c'est dans pas très longtemps, je te promets, je me rappellerai de l'enquête. Je me rappellerai des trucs. Bah écoute. Déjà, j'ai refait un peu de tri dans mes notes. J'avais des trucs notés du premier scénario. Je crois, donc, bon. Faut regarder l'agenda, yes. Le Google Doc là, et le mettre à jour. Bah, je crois qu'il est. Ouais, moi, c'est rempli, hein, je crois. Ouais, ouais. Bah, il y aurait une possibilité le dimanche 30 avril. Ça va, hein, c'est la semaine prochaine. Ouais, ouais. Et ensuite, il y aurait presque une possibilité le 9 mai, mais sans Percival. Et ensuite, le 19 mai. Ok, bah, tu nous dis. Yes. Bah, si là, je vois que tout le monde est. Enfin, la proposition pour le 30, Ouais, moi, je vous laisse. Bonne nuit. Ouais, ça marche. Bonne nuit. Je vais y aller aussi. De toute manière. Salut, merci. Merci pour la game, ouais. J'y vais aussi.